Salut, c'est Johan de Podcast Science. Ça y est, c'est le dernier épisode de la saison 10. On espère que ça vous a plu et qu'on vous retrouvera à la rentrée. On voulait juste vous dire qu'on avait ouvert un compte Tipeee, en plus de notre compte Patreon, si vous souhaitez nous aider à faire ce podcast. Vos dons, quel que soit le montant, nous servent à acheter du matériel et organiser des émissions en public pour vous rencontrer. Et n'hésitez surtout pas à nous écrire un petit mot, on lit tout et on adore vos messages. En attendant, je vous laisse avec le professeur Marc-André Sellos pour une émission finale très végétale. À Podcast Science, on aime finir nos saisons d'émission en beauté avec des invités de qualité. Pour cette saison 10, il nous fallait bien quelque chose de spécial. Ce soir, ce ne sont pas les étoiles qui sont à l'honneur, n'en déplaise à nos auditeurs et auditrices fondus d'astronomie, mais notre invité du jour est un peu une star lui-même, puisque nous avons le plaisir de recevoir le professeur Marc-André Sellos pour parler un peu de la dure vie des plantes et du concept de la plantalité. Nous sommes sur Podcast Science, vous écoutez l'épisode 419, le dernier de notre 10e saison d'émission, bienvenue. Malgré le déconfinement, nous avons préféré jouer la carte de la prudence ce soir, et plutôt que d'avoir une grande table physique parisienne, nous sommes en émission distanciée, bien sagement chacun chez soi. Parmi nous ce soir, nous avons l'inénarrable Pierre Kerner, alias Topo, maître des parasites et des petites bestioles. Bonsoir à tous. Nous avons l'incroyable Irène, notre biologiste préférée du podcast. Bonsoir tout le monde. Le fantastique Johan, seigneur de l'espace et des étoiles. Bonsoir. The amazing Pascal, le maître de la technique et des enregistrements de Podcast Science. Salut tout le monde. C'est moi et Léa qui passerai la parole ce soir et nous accueillons notre formidable invité Marc-André Sellos. Bonsoir. Donc ce soir, nous accueillons donc le professeur Marc-André Sellos. Alors dis-moi Marc-André si je fais une erreur, mais tu es professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Tu as fait de la recherche notamment sur les champignons et les interactions plantes-champignons. Parfaitement. Voilà, jusque-là, tout va bien. Et tu es connu du grand public pour de nombreux travaux de vulgarisation, dont des livres dont on reparlera un peu en fin d'émission. Et ce soir, nous t'invitons suite à la publication d'un billet d'humeur pour le magazine Espèce, intitulé « Quand l'intelligence cache la plante », où tu parles d'un concept que l'on n'a pas l'habitude de voir encore dans les travaux de vulgarisation autour des plantes, celui de la plantalité. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qui relève de la plante et en quoi c'est différent de l'animal selon toi ? Oui, alors de quoi il s'agit ? Il s'agissait d'avoir l'air un peu sérieux pour parler de quelque chose qui l'est moins, en fait. C'est une façon de prendre un peu le contre-pied de beaucoup d'approches en ce moment en vulgarisation qui utilisent des traits animaux, des propriétés animales, pour refaire le lustré de la plante, hein, lui donner un petit coup de brillant et de neuf, l'intelligence de la plante, la sensibilité de la plante, l'entraide chez les plantes. Et l'idée, c'est de prendre le contre-pied de ça en se disant, mais au fait, les plantes, c'est des plantes. Je veux dire, par exemple, si je vous parle de la photosynthèse de l'homme, vous allez tous un peu sourire, ou si je vous recommande de vous mettre la tête sous l'eau pendant 3 minutes et d'essayer vos branchies, les branchies de l'homme, ça ne va pas marcher. Et quelque part, on a aujourd'hui une approche de la plante qui est zoomorphe, c'est-à-dire basée sur ce qu'est l'animal, et or, la plante, c'est une plante, quoi. Je veux dire, comme le... De même qu'une bactérie, c'est une bactérie, ou un virus, c'est un virus. Je veux dire, les choses ont des propriétés propres. Et on parle souvent de l'animalité. Eh bien, parlons de la plantalité, maintenant. Oui, c'est vrai que les plantes, du coup, bénéficient en ce moment d'une visibilité médiatique assez forte, et on a l'impression que c'est très récent. Il y a eu notamment des ouvrages comme celui de Peter Wohlleben, que tout le monde connaît, qui est un forestier allemand dont le premier ouvrage à succès s'appelait « La vie secrète des arbres », avec comme sous-titre « Ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent ». Et si on lit ce livre, on a beaucoup de métaphores pour expliquer que les arbres sont des parents, qu'ils s'entraident, qu'ils ont une culture, qu'ils communiquent via leurs racines. Il a même, enfin, on met en avant souvent le fait qu'il ait inventé le mot Wood Wide Web, qui est le réseau par lequel les arbres communiquent via leurs racines. Tout est décrit comme s'ils avaient leur propre langue et leur propre culture. Alors comment ça s'est reçu du point de vue d'un scientifique et dans la communauté scientifique? Alors c'est compliqué parce que l'idée que les plantes sont sensibles, en science par exemple, on utilise le mot parce qu'elles sont effectivement capables de percevoir tout un tas de choses. Il y a des vibrations, la lumière et la direction d'où vient la lumière. A priori, les branches ne poussent pas n'importe où, hein, elles ne poussent pas dans n'importe quelle direction, elles poussent vers la lumière. Bon, elle peut aussi, la plante, percevoir la gravité. Après tout, les racines poussent vers le bas par défaut. Même il y a eu des résultats assez marrants, d'ailleurs, qui viennent, je crois, de l'équipe de quelqu'un que vous aviez invité, hein, c'est François Bouteau. Oui, tout à fait. François Bouteau qui nous avait parlé lors d'une émission, la 280, sur justement le sujet polémique du jour. C'était le titre de l'émission, c'était « Neurobiologie des plantes ». Et il fait partie d'une équipe qui a publié le fait que les racines des plantes poussent en direction de bruits d'eau courante. Mais la sensibilité aux vibrations, c'est pas aberrant. Le problème n'est pas tellement l'utilisation de ces mots à l'intérieur de la communauté scientifique, qui voit à peu près ce qu'elle étudie. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que ça inspire à des gens qui utilisent déjà ces mots tous les jours, mais dans un autre sens, parce que, évidemment, la sensibilité d'un chat ou la sensibilité d'un enfant à une image ou au propos des adultes, ça véhicule tout à fait autre chose. Et ce que je pense, moi, c'est que le double problème d'utiliser ces mots-là en vulgarisation, hein, c'est-à-dire face à des publics qui sont pas, on n'est pas entre professionnels, c'est d'abord de suggérer des images qui distordent ce dont veut parler celui qui parle. Et au fait, quand on raconte ce qu'on a vu en recherche, c'est pas bon que l'image soit distordue. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on fait mousser des choses qui ressemblent, et pourtant il y a des distances, hein, à ce que font les animaux, et on voit pas ce que sont les plantes, qui contient bien sûr des traits qui ressemblent aux animaux. Je veux dire, par exemple, les plantes et les animaux se reproduisent. Bon, d'accord. Les plantes et les animaux respirent. Enfin, les plantes, elles font ça à l'ombre. Enfin, il y a des traits qui sont propres aux plantes. Je reviens à la photosynthèse de l'homme. Foutez-vous au soleil sur la plage à plus bouger, vous verrez si vous allez vous nourrir. Alors que c'est le rêve d'une plante. Donc, il y a aussi ce risque de cacher les spécificités. Et au total, on aboutit à une distorsion majeure de l'image, où ce que l'on dit suggère autre chose, et il y a tout ce qu'on ne dit pas qui est le cœur de la plantalité. Bon, pour moi, c'est l'histoire d'un échec. Et alors du coup, bon, bah voilà, je rongeais mon frein. On m'a souvent invité dans des colloques pour aller parler des plantes, de l'intelligence des plantes, choses comme ça. Alors moi, je venais, puis j'essayais de faire une bonne figure, quoi. Je voulais pas faire chier les gens, quoi. Et puis quand les confinements est arrivé, première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir mon ordinateur pour écrire un texte qui parut donc dans la revue Espèce il y a quelques jours, un texte pour dire que bon voilà, je vais dire ce que j'en pensais, qui est nuancé, hein, parce que c'est vrai, tu l'as dit, Léa, les gens ils sont venus aux plantes grâce à ce vocabulaire. Mais en fait, sont-ils revenus aux plantes? Ils sont revenus à des choses vertes dont ils se sont fait une image qui, à mon avis, n'est pas encore l'image de ce que c'est en vrai. Oui, tout à fait. Alors, du coup, cet engouement, moi j'avais l'impression avant de lire le billet qu'il n'était pas si récent que ça. C'est vrai que maintenant on voit fleurir les ouvrages. Alors j'ai tout un tas de références dans ma bibliothèque que j'achète au fur et à mesure qu'ils sortent. C'est vrai qu'on a eu auparavant... On a eu auparavant les livres de Francis Allais, qui est un grand botaniste. On a eu les livres de Jean-Marie Pelt. Il y a eu notamment, alors c'était dans les années 70 ou 80, les versions vidéo de ces livres. Par exemple, La prodigieuse aventure des plantes, qui avait été une série télévisée. C'était un livre et un documentaire. On avait déjà ces questions, ce zoomorphisme qui était présent, parce que il y avait pas mal de références à les plantes peuvent-elles dormir, les plantes peuvent-elles prendre des décisions, mais c'était peut-être plus léger et moins intense comme zoomorphisme que ce qu'on voit maintenant dans les ouvrages de vulgarisation. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce qu'il y a vraiment une migration vers du sensationnalisme dans la littérature sur les plantes? Ah ben c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu ça, il faut le vendre à des gens qui sont plus intéressés par les animaux que par autre chose. Et donc, il y a toujours eu cette petite tendance. Avant de revenir sur l'aspect purement historique, il faut insister là-dessus. Moi, je montre souvent en TP vous savez, des fois dans l'eau, il y a comme une espèce de coton vert. Hein, dans l'eau douce, hein, surtout quand elle est un petit peu riche en azote ou en phosphate, c'est des algues vertes hein, qui font comme des petits cheveux, quoi. Et quand on prend ça, qu'on le met au microscope, non seulement il y a ces algues vertes filamenteuses, mais en plus il y a des tas d'autres petites algues vertes, il y a des petites algues qui se baladent qui sont plus rouges, il y a des diatomées qui sont fixées là-dessus, qui sont dorées, c'est toute beauté. Il y a vraiment tout un tas d'algues. Et puis bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui consomment ces algues. Et puis de temps à autre, on voit un petit rotifère qui bouge et un truc comme ça. Et dès que il y a ce truc qui bouge, cet animal qui bouge, ou des petits crustacés, hein, sous le microscope, là, les étudiants, ils s'exclament. Et c'est notre problème, c'est qu'on est des animaux, et quelque part, on est amusé de voir des traits qui nous ressemblent, on a plus de mal à imaginer des choses qui sont dissemblables de nous. Et en tout cas, même si on a plus de mal à les imaginer, on a plus de mal à s'extasier devant un arbre ou devant quelque chose comme ça. Alors, ça vient, effectivement, et là, il y a en ce moment un changement. Alors, maintenant, si... Donc, on a ce premier problème, c'est que, finalement, notre surcroît d'intérêt pour les animaux, c'est une forme d'anthropomorphisme, voilà. Et quelque part, c'est vrai que quand on décore avec des propos, des caractères animaux une plante, ben, on la rend attirante, parce que nous sommes spontanément attirés par les traits de l'animalité. Alors, évidemment, ça ne fait pas justice à la plantalité. Maintenant, il y a quand même, effectivement, eu par le passé, et pour venir au deuxième aspect de la question qui est l'historique de tout ça, des gens qui ont essayé de faire briller la plante, de lui donner du lustre. Je pense par exemple, effectivement, bon, alors, à Jean-Marie Pelt, hein, qui est quelqu'un bon, qui avait des approches mystiques qui peuvent paraître étranges et hors de propos, mais qui était un puissant connaisseur de la plante et qui a fait avec ses émissions sur la vie des plantes vraiment un travail magnifique dans les années 70. On a eu Francis Allais, c'était quand même déjà plus technique. On a eu Aline Reynal-Rock avec la botanique redécouverte, hein. Alors ça c'était plutôt, je crois, le début des années 90. C'est quand même des ouvrages un peu savants ceux-là, par rapport à ce que Jean-Marie Pelt avait fait. Et ces ouvrages savants, ils n'allaient pas, il faut se les farcir, hein. Moi j'ai trouvé ces livres passionnants, mais bon, il y a quand même beaucoup de pages. Et l'intérêt finalement, enfin ce qui s'est passé récemment, c'est que certains ont produit des bouquins courts. Mais en plus, la société, je pense, avait changé. Et changé dans deux directions. La première, c'est que les gens sont de plus en plus loin de la nature, donc finalement, quelque part, ils sont des fois étonnés de choses qui auraient paru à des générations d'agriculteurs ou de gens qui rentraient en vacances dans la famille tous les étés. Ils sont facilement étonnés par des choses qui auraient paru évidentes à d'autres, en d'autres générations. Et puis, séparés de la nature, les gens ont envie de recréer un lien. C'est-à-dire qu'ils ont envie de retrouver finalement la nature. Et donc, il y avait une demande, je pense. Donc quelque part les livres qui sont parus, disons les trois dernières années, hein, sont des livres qui font un travail de simplification que n'avaient pas fait les précédents, et donc là, ben voilà, c'est nous botanistes, nous scientifiques qui n'avons pas fait le travail nécessaire de vulgarisation, et puis ça résonne avec un lectorat qui a changé de lien avec la nature et qui est à la fois plus facile à étonner, qui a plus envie de nature, mais qui quand même toujours aime bien que ça ressemble à des animaux, quoi. Alors, je vais en profiter, moi, pour m'interjecter justement dans cette conversation et évoquer un de ces auteurs, qui est Stefano Mancuso, dont j'ai découvert le travail en fait en préparant moi-même une vidéo que j'avais intitulée Végétal sans végéter, pour justement discuter en quoi certains aspects des plantes, pour moi qui suis essentiellement zoologiste, pouvaient recouvrer une réalité avec les animaux. Et j'ai été surpris quand même de retrouver quelqu'un qui faisait des TED Talks, des livres, etc. Je pense que ça fait partie d'un des livres qui est cité dans cet article comme en faisant une trop grosse proximité entre plantes et intelligence et une trop grosse utilisation de ce type de vocabulaire-là. Et j'ai pas le script sous la main, mais si je m'abuse, dans le TED Talk de Stefano Mancuso, il va parler de plantes qui jouent, de plantes qui dorment, de plantes qui, enfin, avec énormément d'anthropomorphisme là-dessus. Mais du coup, qui associe ça à une recherche très récente. Et je me demande si justement cet engouement pour ce type de vocabulaire ne vient pas aussi d'une autre manière de faire de la recherche sur les plantes qui est plus récente que celle qui était décrite par Francis Allais ou Jean-Marie Pelt il y a quelques années, ou si ça n'a rien à voir. Non, mais alors là, tu as tout à fait raison. C'est vrai que tout ça, c'est greffé sur des résultats nouveaux. Mancuso illustre le fait que dans la discussion qu'on a, on n'est pas en train de juger le fond. Sur le fond, Mancuso, c'est un très bon scientifique. C'est un type qui a publié des travaux de grande qualité. Hein. Je ne voudrais pas avoir l'air surplombant et distribuer des bons et des mauvais points, mais quand on lit l'ouvrage de Peter Velleben, il y a des trucs qui sont d'une autre époque, des choses qui sont fausses. Quand on lit Mancuso, on est assez dans les faits. Mais dans Mancuso, il y a ce qu'on retrouve dans Velleben, le choix d'un vocabulaire. Alors, pour Mancuso, c'est beaucoup plus complexe, parce que Mancuso, il est l'un des fondateurs, si ma mémoire est bonne, de la revue Plant Signaling and Behavior. Qui ne portait pas ce nom-là à l'origine, qui portait le nom, ça, c'est quelque chose que nous avait révélé justement François Boutot, de neurobiologie des plantes. Ce qui a été récusé pour en arriver à ce Plant and Signaling and Behavior. Donc il y a même eu une dilution de son intention d'origine, qui était vraiment de faire une proximité. Ouais, tu vois, là, tu me l'apprends, mais enfin, même avec ce nom Plant Signaling and Behavior, le journal n'est pas vraiment rentré dans les mœurs. D'ailleurs, il n'est toujours pas indexé, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de publier dedans, parce que même dans la communauté scientifique, les gens n'avaient pas envie d'utiliser, beaucoup de gens en tout cas, n'avaient beaucoup, pas tous, hein, mais beaucoup n'avaient pas envie d'utiliser un mot comme comportement, behavior. Signaling, bon, ça, c'est plus banal. Donc, il y a eu des réticences. Le journal, je pense, l'a payé de son développement. Moi-même, j'y ai publié, donc je ne suis pas un ayatollah non plus. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça a été discuté, et il est, même dans la communauté scientifique, Mancuso, il fait partie de ceux qui veulent utiliser ces mots-là. On est nombreux à penser que ce n'est pas nécessaire. Bon, entre nous, ce qu'il appelle la neurobiologie, c'est le fait qu'il y ait une transmission de signaux électriques au sein de la plante. On y reviendra sans doute après. C'est un fait. Mais faut-il parler de neurobiologie? Je ne sais pas, la neurobiologie, c'est la biologie des neurones. Les neurones sont des cellules spécialisées pour la transmission de l'information électrique. Il n'y en a pas chez les plantes. Donc, quelque part, on est beaucoup à penser, maintenant, on est dans le registre scientifique, là, que ce n'est pas nécessaire. Mais là, on est sur une discussion de spécialistes. La discussion plus générale qu'il faut avoir, c'est vis-à-vis de gens qui sont pas, qui connaissent rien à la plante. Est-ce que vraiment, c'est pas trompeur? Et moi, ma réponse, c'est oui, c'est trompeur, ça, je le vois tout le temps. Mais j'aimerais aussi insister sur quelque chose. Quand j'écoute ces exposés ou quand je feuillette des pages du bouquin de Mancuso, j'ai l'impression d'un cabinet de curiosité. Je m'explique. Les cabinets de curiosité, c'était des beaux coquillages, des beaux coraux, des belles plantes séchées. Mais au 17-18e, c'était pas vraiment, ça prenait pas, ça n'embrassait pas toute la biologie, hein. C'était un petit peu anecdotique et superficiel. J'ai l'impression de voir tout un tas d'anecdotes sympatoches. Alors, je vais vous en citer une, tiens. Vous avez la Mimosa pudique ou sensitive, quand il a un choc, il ferme ses feuilles, hein, il referme les feuilles et les folioles. On ne sait pas d'ailleurs très très bien pourquoi, mais on pense que c'est quand ça bouge autour de lui, le fait de se fripouiller comme ça, hein, de se replier sur lui-même, ça diminue le broutage parce que les animaux, enfin pour eux, ça ressemble à une plante flétrie, donc il ne la mange pas. Ce n'est pas bien clair, mais le truc, c'est que si vous mettez ce pot à tomber sur une espèce d'étagère qui peut à un moment pouf, tomber, bon, bah, les premières fois où il tombe, les feuilles se referment, et si vous le faites tomber plusieurs fois, bah, rapidement, les feuilles ne se referment plus. Et il y a une mémoire de ça, c'est-à-dire que, de fait, la plante, si vous la faites retomber quelques temps plus tard, eh bien, elle va plus vite cesser de fermer ses feuilles si la chute se répète. Bon, alors on peut utiliser le mot mémoire, oui, je l'ai fait spontanément, scientifiquement, c'est pas aberrant. Mais c'est pas du tout la mémoire de moi qui me souviens de cette expérience, vous y êtes? Alors moi, si vous me mettez sur une étagère et que vous me faites tomber comme ça, je vais vous dire, je pense que vous finissez l'expérience sans moi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est sympa. Mais attendez, la plante, c'est ça? C'est un truc qui tombe d'une étagère? Bah, pas du tout. Pas du tout. Une plante, c'est quelque chose qui pousse dans un environnement dont elle ne pourra pas se séparer, elle ne pourra pas fuir. C'est quelque chose qui est soumis à toutes les injures. Les injures du passage d'un animal, les injures du broutage, des parasites qui atteignent ses racines. Le cœur de la vie de la plante, c'est pas toutes ces anecdotes qu'on raconte, qui sont sympatoches, ouais, mais qui nous cachent. Et là, on voit de nouveau qu'on clash la plantalité en cherchant des trucs un peu accrocheurs, on n'est plus dans le cœur de la plante. La plante, c'est un machin qui fait de la photosynthèse, c'est un machin qui est immobile. Et je vais vous dire, ça va très loin. Ça va très loin. La plante, comme de toute façon, quand elle se fait éjecter une tige ou détruire un bout du tronc, eh ben, elle n'a rien à dire, hein. Il faut qu'elle le survive. Ça veut dire que la mutilation est quelque chose qui est normal pour une plante. C'est-à-dire qu'elle est capable de le subir, elle cicatrise et elle repousse. Et aujourd'hui, on a des gens qui, quand ils voient qu'on taille des plantes, ils hurlent. Alors, je peux entendre dire qu'il faut martyriser les plantes, mais quelque part, la taille des plantes en jardinage, elle utilise cette propriété de la plante, qui est que perdre une partie et repousser, cicatriser et repousser, c'est autant un truc de la plante que moi, quand j'ai des peaux mortes qui tombent de ma main. Alors, c'est pas une raison pour se raboter la main avec un rabot et faire éracler toute la peau. On est d'accord. Et ça, tu penses que justement, ça a été d'une certaine manière alimenté par cet emploi de vocabulaire à outrance dans la vulgarisation. Ah ben, si on va vers la sensibilité, on se dit la pauvre plante, faut pas qu'elle ait mal. Et on vit effectivement les mutilations qui arrivent aux plantes dans les jardins comme des injures à la plante, alors que c'est plus compliqué. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire subir n'importe quoi aux plantes. Mais quelque part, si on va vraiment dans le cœur de la plante, un morceau de branche qui tombe, même la moitié de la plante qui se prend un éclair dans la gueule et qui crame, ça fait partie des choses qui sont prévues dans le développement. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après ce genre d'ouvrage, parce que régulièrement, dans des discussions de soirée avec mes amis qui savent que j'aime bien les plantes, ils me disent « Ah, mais tu as vu cet article, les plantes, elles ont mal, on peut leur faire mal, elles ont un système nerveux, du coup, faut arrêter de les couper, tu vas leur faire mal. » Il y a vraiment cette sensation qu'il y a eu une découverte et qu'on a compris les plantes tout d'un coup comme des êtres vivants, alors qu'avant pas. Et en fait, on les a compris comme des animaux. Et non pas comme des êtres vivants, parce que, qu'il me soit permis de rappeler que les êtres vivants sont en majorité des microbes, donc eux, ils n'ont pas de feuilles, pas de tronc, pas de fleurs, pas de bras, pas de foie, pas de nez, pas d'yeux. D'accord ? Le monde vivant, c'est bien autre chose. Et quelque part, quand on voit aujourd'hui qu'on a du mal à comprendre ce que c'est que les microbes et à les accepter, ça on en avait parlé ensemble déjà, on se dit qu'effectivement, le problème commence à ne pas prendre la plante, quand on ne prend pas la plante pour une plante. Et quelque part, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus grave derrière tout ça que le fait qu'avec tous ces bouquins, on ne comprend pas les plantes. En fait, on ne comprend pas le monde. C'est le début d'une incompréhension qui réduit le monde à une espèce de vague reflet de l'animalité et qui ne lui reconnaît pas ses propriétés propres. Propriétés propres qui sont la base de ce qu'on peut en faire, de ce qu'on doit en craindre et des leviers de l'avenir en termes d'aménagement, d'écologie, de santé. Tout à fait. C'est mutilant pour nous. C'est marrant parce que c'est des questions qu'on se pose depuis très longtemps en physique aussi, qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas de notre point de vue d'humain parce qu'ils sont, en particulier en physique quantique, mais aussi en astronomie, que des choses qu'on s'aperçoit depuis longtemps qu'on ne les comprend pas du fait de notre point de vue macroscopique et anthropomorphique. Quoi. C'était plus une remarque qu'une question. Tu vois un truc comme... Comment tu le prends, toi ? Le Big Bang, les gens, ils voient très clairement une grosse explosion. J'ai cru comprendre que c'était plus complexe. Est-ce que tu penses que dans votre domaine, c'est problématique, finalement ? Oui, c'est problématique au sens où je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes, en fait, où on n'a pas les compétences de comprendre ce que c'est. Donc, on peut s'habituer à une certaine façon de le voir. Au final, on se représente dans notre cerveau une équation, c'est à peu près ça. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on se représente dans notre tête a une véracité, en fait. C'est plus une facilité d'approche. Et je pense d'ailleurs que Robin pourrait parler aussi beaucoup de ces problèmes-là en maths, en fait. À un espace de dimension infinie, c'est pas possible de se le représenter. Du coup, on a quelque chose dans la tête qui est notre représentation de l'espace infini. Mais c'est faux. Ben, on touche un peu ici encore le problème de la vulgarisation scientifique, hein, mais je reviens un petit peu sur le bouquin de Peter Wollenberg, là, sur son bouquin sur les arbres. Je me souviens quand il le présentait, il expliquait d'abord qu'il n'est pas scientifique à la base. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et que c'est en faisant visiter ces forêts à des visiteurs en Allemagne qu'il s'est aperçu qu'il pouvait intéresser les gens lorsqu'il créait cet anthropomorphisme, en fait, qu'il personnalisait les arbres et qu'il racontait des histoires comme si c'était des êtres humains. Et en fait, c'est sa femme qui l'a poussé à écrire un livre, en fait, qui lui a dit, mais écoute, regarde comme les gens sont intéressés quand tu leur parles de la famille arbre ou de la coopération entre les arbres, comme les gens adorent ça, il faut absolument que tu mettes par écrit, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement pas possible pour ce livre, on en entend encore beaucoup parler, et du coup, je trouve que c'est compliqué comme débat, parce qu'à la fois, je pense que ça a quand même le mérite de faire apprendre des choses aux gens qui sont pas scientifiques. Et puis après, c'est vrai que Marc-André, je suis aussi d'accord avec toi que ça peut déformer la réalité, et de vouloir tout reporter la planète à nous les humains, c'est moi ça me dérange aussi, ouais. Alors Irène, tu es en train de nous dire finalement que c'est un peu comme Adam et Ève, c'est ça, c'est elle qui lui a fait mordre le fruit de... Ah non, je n'y arrive pas du tout, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non, mais c'est une blague. Plus sérieusement, l'Académie d'agriculture, dont j'ai le plaisir d'être l'un des vieux, des vieux, voilà, c'est pas un des vieux, de jeune, hein. C'est un statut maintenant. On a fait une réaction sur ce livre en deux temps. On dit que c'est une très très belle vision métaphorique et poétique de la forêt. Ça porte un message, que c'est un ressenti. On ne peut que respecter l'image que propose Wohlleben. Mais que par contre, deuxième temps, ça reflétait pas vraiment l'état des connaissances. Et en fait, tout le problème, il est là, c'est que les gens, quand ils ont pris ça, comme c'était un objet qu'ils ne connaissaient pas, ils l'ont aussi pris, ce livre, comme un objet d'explication et de connaissance. Ce que d'ailleurs ce livre, dans sa rédaction, si on l'observe bien, ne dément pas, en fait. Pas à pas, il apprend des choses. Et il tire une partie de son attractivité de ce qu'il enseigne. Alors, bon, la question c'est, est-ce que c'est grave ? Alors, quand on en prend le Big Bang, comme une grosse explosion, et que c'est une image à la con d'un truc qui ne se passe pas comme ça, je ne pense pas que... et ce n'est pas une injure à faire à la physique que de le dire, ça ne change pas votre vie quotidienne. C'est juste que vous avez appris un truc qui ne ressemble pas du tout à ce que les scientifiques qui l'ont créé ont dans la tête. Après, une plante, ça se mange. Et la façon d'envoyer une plante, c'est une façon d'envoyer vos aliments. Ça commence à déborder sur la vie quotidienne. Et c'est aussi la façon d'aménager les forêts ou de ne pas les aménager. C'est la façon d'aménager les champs, de tailler les haies ou de ne pas les tailler, d'avoir un jardin ou de ne pas l'avoir. Et donc, ça commence à toucher à des choses un peu vitales et quotidiennes. C'est moins anecdotique qu'une méconnaissance. C'est le début d'une d'une impossibilité d'être opérationnel. Hein. Ça commence à abîmer la façon de se saisir du quotidien au regard de ses connaissances. Ça me paraît plus critique. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les gens se sont si peu intéressés finalement aux plantes, à la botanique en général, alors que c'est l'essentiel de nos écosystèmes, de notre alimentation, de notre industrie, et que tout repose sur les plantes. Comment est-ce qu'on en est arrivé à une société où déjà on ne sait rien sur les plantes, et en plus la seule façon qu'on s'y intéresse, c'est qu'on nous fournisse des anecdotes un peu sensationnelles et qu'on fasse un amalgame avec des animaux et des comportements qui nous ressemblent, quoi. Moi je me pose toujours cette question. C'est un peu culturel, hein. Disons que c'est un peu la poule et l'œuf, quoi. Si on ne voit pas la plante, on n'apprend pas aux jeunes à la voir, ils ne la voient pas. Alors, c'est de ce point de vue-là qu'on pourrait dire que peut-être ces bouquins ont fait une bonne opération, c'est qu'ils ont remis la plante dans le débat. Moi, il y a un tableau dont le titre me fait crever de rire. C'est ce tableau récemment redécouvert du douanier Rousseau qui s'appelle « Deux lions ». Ah oui. C'est les deux lions dans la jungle, oui. Hein ? Et en fait, quand tu regardes le tableau, effectivement, tu dois avoir... 3% du prix de la peinture qui sert à peindre deux têtes de lion. Et 97% du prix de la peinture, c'est du verre pour faire la végétation exubérante qu'il y a toujours dans les tableaux du douanier Rousseau. Et ça, c'est notre façon de voir les choses. Je suis nul en relativisme culturel et en civilisation exotique, mais je pense que c'est un truc vraiment de chez nous, ça. Il y a quand même beaucoup de civilisations qui ont appris à voir les plantes et qui vivent beaucoup plus auprès d'elles. Oui, c'est vrai. Mais c'est auto-entretenu. Ce phénomène, du coup, a été théorisé par des gens quand les gens ont appelé ça l'aveuglement aux plantes ou la cécité botanique. Oui. C'est un vrai problème culturel. Alors, je ne sais pas ce que tu penses de ce concept, parce que je crois que tu ne l'utilises pas dans ton billet. Non, mais bon, oui, cécité botanique, ça me va. C'est assez parlant. Le vrai problème, c'est que... Je pense que ici, la cécité botanique, dans le genre d'approche que proposent ces ouvrages, en caricaturant, parce qu'il y a quand même des degrés. Ah, et puis il faudra qu'on parle aussi d'ouvrages qui sont parus dans le même temps et qui sont pas mal, hein. Quand même. Mais là, la cécité botanique, on la soigne en arrachant les yeux. C'est un peu violent quand même. Hein, ce que je veux dire par là, c'est que si ces bouquins étaient le début d'une autre chose, de lecture plus approfondie et qui aille plus au cœur de ce qu'est la plante, je pense que ce serait bien. Mais ce que je vois, c'est que ce que je vois autour de moi depuis que le bouquin de Vollebonne est sorti, dans notamment un film sur l'intelligence des plantes ou plantraite des plantes, là, qui est sorti chez Jupiter Films, moi j'ai fait quelques fois les commentaires d'après-séance dans des UGC à droite à gauche, ce que je vois, c'est que les suites nous enterrent encore dans cette zoomorphie, finalement, hein, dans cette image animale de la plante, et on n'en sort pas. Donc, ça n'aura même pas été la porte d'entrée vers autre chose. En tout cas, ça ne l'est toujours pas. Et c'est pour ça que je dis que ça soit une nécessité en arrachant les yeux. Et je crois que là, il faut distribuer aussi des mauvais points du côté des scientifiques, hein, parce que si on n'a qu'à écrire des livres intéressants, après tout. Bah oui, on le fait pas beaucoup. Hein. Tu peux nous donner des exemples pourquoi justement c'est contre-productif d'avoir cette approche, hein. Qu'est-ce que tu as, je veux dire, des remarques que tu as attendues pendant ces conférences, des questions que les gens t'ont posées, que tu t'es dit, ah là là, on va pas dans la bonne direction, quoi. Oh bah je peux donner deux types de directions. Il y a les gens effectivement qui se disant que finalement la plante c'est un animal comme un autre. C'est pas une blague, hein. Dit bah est-ce qu'on peut la tailler? Est-ce qu'on peut tondre un gazon? Moi, j'ai entendu ça. Et c'est vrai que c'est des questions qui sortent si effectivement c'est un animal. On ne va pas commencer. Alors, vous me direz, les moutons, on les tond. Mais enfin, bon, c'est pas. Voilà. c'est pas forcément une raison pour tondre le gazon si vous pensez que le gazon, c'est un animal vivant. Et moi, j'ai aussi vu la porte ouverte aux charlatans. Ah. Alors, on va parler de protéodie quelques instants. Ah oui, parlons de protéodie. Alors, faut reprendre de la base, hein. Ouais. Alors, quand les gènes s'expriment, et qu'ils servent à assembler des protéines, les protéines sont des enchaînements d'acides aminés, et l'ajout d'un acide aminé émet une vibration. Rien d'audible pour l'homme. Et donc, comme une protéine, qui est le produit de l'expression d'un gène, est une série de liens entre des acides aminés, chaque protéine correspond à une série de sons. Il y a donc une musique pas audible pour l'homme. Et alors, le principe de la protéodie, c'est de dire, si on joue cette musique à la plante, elle va exprimer plus ce gène. Par exemple, vous jouez la musique qui correspond à une protéine qui aide la plante à résister à l'absence d'eau, et elle aura moins soif. Vous jouez la musique d'une protéine qui aide à faire des fruits plus sucrés, hein, qui met du sucre dans les fruits, et la plante aura des fruits plus sucrés. Alors, le truc qui est vicieux, c'est que ça se vend, ça, il y a des gens qui vendent ça. Ben, ils vendent les haut-parleurs, la musique. Hein. Et évidemment, il faut quand même vendre un truc qui veut. Hein. Donc, on transfère ces sons qui ne sont pas audibles dans des sons audibles. Donc, on obtient une musique audible. Et c'est ça qu'on diffuse dans les serres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas aux plantes qu'on le vend. C'est aux gens qui produisent des plantes et qui ont envie de que leurs plantes, finalement, produisent, enfin, soient moins stressées ou soient plus sucrées. Bref. Comme c'est eux qu'on le vend, ben, il faut qu'eux, ils l'entendent, la musique. Et alors, on n'a pas de preuve que cette musique, qui en plus ne correspond même pas au son réel biologique qui est émis, elle ait un effet sur l'expression des gènes. On n'a aucun travaux sérieux là-dessus, mais on a des gens qui vendent ça. Ça s'appelle la protéodie, et ça résonne très bien avec toutes ces visions non scientifiques de la plante que génère une certaine vulgarisation. Et d'ailleurs, dans le film de Jupiter Film dont je parlais tout à l'heure, il y a une longue section sur la musique des plantes. Bon, moi, j'ai vu des trucs aberrants. J'ai vu des gens nous parler de la musique des plantes. Alors, ils plantent une électrode dans la plante. Ah non, ils ne la plantent pas. Ils la mettent délicatement dessus. Et ils mettent une électrode sur une plante et ils en plantent une autre dans le sol. Et effectivement, ça fait des signaux électriques variables. qu'il transpose dans l'audible, et on entend la musique de la plante, et ils ont raison, effectivement, chaque espèce de plante fait du coup un bruit différent, et ce bruit dépend de son état physiologique. Bon. Mais quand vous plantez une électrode dans le sol, les amis, il y a des millions de microbes qui sont en train de vivre là. Cette musique-là, c'est un brouhaha microbien avec une petite mélodie, et c'est le piccolo du fond de l'orchestre, là, c'est la plante. Donc, c'est n'importe quoi, ces trucs-là. Et c'est vendu comme des musiques de la plante. En fait, c'est des musiques de la plante et du monde microbien qu'elle organise autour d'elle, ou des microbes qui organisent une plante pour manger contre eux. Et donc, on vit dans des trucs qui altèrent les représentations du monde et qui, finalement, permettent à certains de vendre des choses. On veut pas avoir de procès ici, mais... Si un collègue appelait ça du charlatanisme, je n'irais pas lui casser la gueule. Il y a même un congrès qui va être organisé, je pense, par les gens qui font ça, qui font écouter de la musique des plantes. L'année prochaine, à Gaujac, il y a un congrès international sur la musique des plantes. Faut pas faire de la pub, Eléa. Mais non, je fais pas de la pub, je dis que ça existe. Alors après, ça veut pas dire que les vibrations ne sont pas perçues par les plantes et n'altèrent pas un certain nombre de fonctions. Tout à fait. Je voulais moi en profiter pour justement peut-être souligner des efforts de vulgarisation qui vont plus ressembler à ce que tu vas nous expliquer par la suite, c'est-à-dire souligner ce qui est différent chez la plante par rapport aux animaux. Et je pense notamment à ce livre de Audrey Dussutour qui parle du blob. Et pour, d'une certaine manière, vendre son organisme, un myxomycète. Qui est une sorte d'amibe géante avec énormément de caractéristiques particulières. Le nom qui lui a été donné, le blob, fait référence à des films de science-fiction. Il y a vraiment une notion d'altérité qui est soulignée. Est-ce que tu penses que ça aurait été qu'est-ce que tu penses de ce type de production de vulgarisation? Et est-ce que c'était ça que tu aurais attendu pour pouvoir remettre la plante au centre de la société? Alors, le blob, c'est un peu circulaire, hein, parce que le blob, il a été inspiré par des amibes et des choses comme ça. Donc, en fait, le nom de blob revient à ce qu'il y a... On pourrait peut-être le définir pour nos auditeurs, ce qu'est le blob. Alors, je pensais l'avoir fait en disant que c'était une amibe myxomycète, mais c'était peut-être un petit peu juste, en effet. Alors, c'est une amibe géante, oui. Voilà, c'est une amibe géante, elle est jaune, très très très grosse, c'est apparenté c'est un groupe qui est apparenté au groupe des animaux, des champignons, mais un petit peu plus éloigné tout de même, et donc qui commence comme une petite amibe et qui va grandir. On les voit comme, on a l'impression que c'est la pourriture qu'on peut voir sur certains bois de différentes couleurs, jaune, blanche, etc. En anglais, ils l'appellent la slime mold, donc pourriture gélifiée ou pourriture gluante, qui est capable de prouesses. Et il y a tout un pan là de la vulgarisation qui s'attache à cultiver son blob dans des boîtes de pétri, à leur donner à manger des flocons d'avoine, à les voir bouger parce que on peut voir des mouvements du cytoplasme, c'est-à-dire le contenu cellulaire à l'œil nu, parce qu'au final, et c'est ce que je pense qu'on va expliquer un tout petit peu avec Marc-André Sellos un tout petit peu plus tard, c'est que c'est une cellule géante dans laquelle il y a plein de noyaux, ce qui permet d'avoir une surface gigantesque. Et dans ce livre, elle évoque notamment des surfaces de blobs de culture qui pouvaient atteindre 10 mètres carrés de surface. Oui, il n'y a pas de limite de taille, en fait. Ces trucs-là, ils peuvent être aussi gros qu'ils mangent, quoi. Donc, effectivement, on peut en faire des énormes. Et il y en a beaucoup autour de nous. Là, l'autre jour, pendant mon footing au bois de Vincennes, j'en ai croisé un. Parce qu'il y a un moment, en fait, où ils sortent de terre pour faire des tas de sports. C'est le moment, en fait, où ils n'ont plus grand-chose à manger. Et ils font des petites cellules qui vont être dispersées par le vent et redonner des amibes géantes. Et là, l'autre jour, il y en avait une qui sortait de terre, là, après la période humide qu'on a eue, qui était en train de commencer à sporuler. Alors, il y en a beaucoup quand on sait les voir, mais c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup. Alors, le travail d'Audrey Dussutour est vraiment intéressant pour deux raisons. La première, c'est que dans son livre, elle parle aussi de la science. Donc, elle utilise ce livre pour nous passer des messages, d'accord, sur ce que c'est que la vie de scientifique. et de femmes scientifiques, ce qui est aussi un tout petit peu différent, parce que bon, quand même, c'est encore un... Bon, c'est comme partout, hein, être un garçon ou une fille, c'est pas pareil. Et deuxièmement, elle a le mérite de nous parler d'un truc dont tout le monde se fout, à manière un tas de morve jaune, franchement, on voit pas très bien l'intérêt, et elle arrive à le rendre intéressant. Je trouve, moi, qu'elle dérape très très peu en termes de risque de mauvaise représentation. Ce que j'appelle une mauvaise représentation, c'est pas une représentation qui est fausse. La science a aussi des représentations, et elle se représente ce qu'elle connaît, sachant que le lendemain, elle se représentera autre chose, parce qu'elle s'apercevra qu'elle connaît pas tout. Ce que j'appelle une mauvaise représentation, c'est pas une représentation inexacte du réel. Toutes nos représentations sont des approximations du réel. Ce que j'appelle une mauvaise représentation, c'est une représentation dans la tête du lecteur qui n'est pas proche de ce dont a voulu parler celui qui écrit. Or, Audrey, elle raconte ses expériences. Et ensuite, elle dit, c'est comme s'il avait une mémoire. Comme si. Donc, je pense que elle est l'exemple de quelque chose de plus réussi, de ce point de vue-là, en termes de métaphore. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de respect pour son travail, parce que pour le coup, elle ne sait pas atteler une tâche simple. Et c'est un exemple qui montre que les scientifiques peuvent des fois sortir du labo en faisant des trucs grand public. Donc voilà, enfin typiquement ça, là voilà un moment où moi j'étais, c'est un livre que j'ai été très très heureux de lire. Moins pour découvrir ces bestioles que je connaissais, j'avoue que quand j'ai le temps, j'ai ma petite boîte pour en ramasser et je les identifie le soir avec les deux volumes de des Die Mixomycetten, Band 1, Band 2, en allemand, en texte, pour identifier ça, parce que c'est des organismes absolument géniaux, quoi, il y a toutes les couleurs, toutes les formes. Et des fois, j'ai l'impression d'être complètement normal. Quand les gens disent « Qu'est-ce que tu ramasses ?»« Oh, je dis du champignon. » Enfin, j'ose pas dire ce que je ramasse. Et elle a osé faire un livre. C'est peinard, ça. Bah, y en a d'autres qui font des livres sur les plantes, alors qu'a priori, ça n'intéresse personne. Donc, tout est possible. Enfin, au moins, les gens voient vaguement ce que c'est, quoi. Oui. Bouffer des épinards. Non, mais du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce que je voulais finalement obtenir comme concept, c'est qu'on peut faire de la vulgarisation sur quelque chose qui, a priori, n'intéresse pas les gens sans dévoyer le message scientifique ou, en tout cas, en utilisant des métaphores qui n'étaient pas trop éloignées de la science sciemment, quoi. On est d'accord. Donc, on est d'accord. C'est faisable. On est d'accord. En fait, on dit souvent qu'il n'y a pas de discipline chiante, il n'y a que des mauvais profs. Et inversement, hein, l'idée, c'est qu'à un moment, il faut que quelqu'un trouve le ton juste. Et c'est vrai que les scientifiques ne sont pas construits pour trouver le ton juste en vulgarisation. Ça leur arrive, j'allais dire, par hasard ou par goût, mais ils ne sont pas sélectionnés pour ça. Hein. Mais on peut parler de tout, ouais. Et alors, peut-être qu'on change un peu d'aspect, mais étant donné cet engouement, donc de premier abord, les gens s'intéressent aux plantes parce qu'on leur prête des sentiments, etc. Est-ce qu'ensuite, il y a des outils et il y a moyen d'avoir accès à une vulgarisation qui permet de quand même ne pas trop se tromper dans les phénomènes scientifiques associés pour avoir accès à voilà, qu'est-ce qui est vraiment différent entre une plante et un animal ? Pourquoi, par exemple, est-ce qu'on parle d'intelligence ? Qu'est-ce qui, dans une plante, s'associe le plus à un neurone ? Est-ce qu'on a accès à tout ça ? Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça ? Alors, je ne sais pas si l'état actuel, finalement, du public permet vraiment de passer là-dessus, mais typiquement, ce qui peut faire penser à une neurobiologie de la plante, c'est les communications électriques que les plantes ont d'un bout à l'autre de leur organisme. Et ici, il faut bien... Alors, c'est un truc, d'ailleurs, qui nous remet à notre place, nous, animaux. Hein. Il faut bien voir que les plantes, la communication électrique, elles font ça comme vous de respirer, quoi. C'est une caractéristique de base des cellules. Bon, pour emmener un message électrique d'un endroit à un autre, en gros, ça se propage le long de la surface de la cellule, le signal électrique. Le signal électrique, par exemple, qui parcourt nos neurones, il court à la surface, ce qu'on appelle la membrane de la cellule. Bien. Si jamais vous avez envie d'envoyer un signal de votre tête à votre doigt de pied, bah, il va falloir qu'il y ait une cellule allongée qui parte de l'endroit où la décision se prend, et qui aille à l'endroit qui va bouger. Cette cellule allongée s'appelle un neurone. Comme c'est un petit peu long, souvent ce neurone il fait des relais, c'est-à-dire qu'il y a un endroit le neurone, quand l'électricité arrive, il envoie des molécules qui vont provoquer sur le neurone suivant une sorte de relais, hein, comme un relais de poste, qui provoque sur le neurone suivant le début du signal électrique qui ensuite se propage et puis non, ça arrive à destination. Bon. Pourquoi ? Parce que nos cellules sont séparées les unes des autres. Donc une cellule, elle peut avoir une activité électrique, mais ça ne va pas sur la voisine. Donc il faut avoir des cellules allongées qui sont spécialisées, ça s'appelle des neurones. Les plantes, elles n'ont pas besoin de ça. Et là, on découvre quelque chose qu'on ne dit jamais, et vous allez voir, c'est un truc absolument éblouissant, c'est que les plantes ne sont pas faites comme nous. Nous, on a des cellules séparées, et si on veut qu'une cellule qui a une activité électrique emmène cette activité quelque part, il faut qu'elle soit longue, ça s'appelle un neurone. Eh bien, chez les plantes, en fait, les cellules sont bien séparées par ce qu'on appelle une paroi. Alors, ce qui est marrant, c'est que les cellules ont été repérées chez les plantes en coupant du liège. C'est Hooke qui, en 1635, je crois, a fait ça, ou 1665, je ne sais plus. Il a coupé du liège et il a vu que dans le liège, il y avait plein de petites capsules, plein de petites logettes, qu'il a appelées des petites chambres, cellules. Celle-là, c'est la chambre, la pièce. Et bon, il a repéré ses parois. Alors, le problème, c'est qu'on peut se dire, ah bah oui, alors chez les plantes, il y a des cellules séparées, chacune prise dans une espèce de capsule qui est la paroi. Oui, mais non. Quand on regarde bien de près la paroi, il y a plein de micro-trous dedans. On va dire, oui, les trous, bah, il y a des trucs qui passent. Ah oui, non, mais c'est plus compliqué. Dans ces trous, il y a des expansions des deux cellules qui entourent et qui se recollent. Et ces expansions sont emballées par la fameuse membrane qui est tout autour de la cellule. Ce qui fait qu'en fait, ce que vous appelez deux cellules, c'est la même chose, ça a la même peau, ça a la même enveloppe. Simplement, au niveau de la paroi, les communications sont réduites à des petits tubules dans lesquels s'engage une expansion d'une cellule qui est aussi l'autre cellule. Donc, chez les plantes, il n'y a pas de cellules séparées. Ce qu'on appelle des cellules, c'est des zones à échange restreinte avec les zones voisines. Mais, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, en fait, dans une plante, il n'y a qu'une seule cellule géante, comme dans ces grosses amibes. Sauf que dans la grosse amibe, ta cellule géante, c'est un tas. Ici, ce tas, il est structuré en sous-zones, qu'on appelle des cellules pour faire simple, mais qui ne sont pas du tout l'équivalent de nos cellules. Et ces sous-zones, eh bien, elles échangent avec les voisines. Alors, si maintenant on imagine qu'une de ces cellules, entre guillemets, ce ne sont pas des vraies, mais a une activité électrique, eh bien, par ces petits tubes-là, par ces petites communications, cette activité peut passer à la voisine, et à la voisine, et à la voisine, et à la voisine, et partout. C'est pour ça que quand on touche une plante, il y a une activité électrique qui part de l'endroit qu'on va toucher, qui se répand dans toute la plante et qui peut notamment entraîner l'activation d'un certain nombre de gènes qui vont raidir, qui vont provoquer un raidissement de la paroi, qui vont provoquer la fabrication de molécules de défense, parce que s'il y a une vibration, ça peut être qu'il y a un animal qui va manger la plante, donc il y a intérêt à accumuler des toxines. Donc il y a des tas de réponses qui vont se mettre en place, sur place, mais aussi à distance. Et c'est comme ça que on a des réponses extrêmement distales qui se font. Alors, c'est pour ça qu'on a envie de parler de neurobiologie, parce qu'effectivement, il y a des signaux électriques qui vont d'un bout à l'autre de la plante, mais ce n'est pas sur des neurones. Le neurone, c'est un truc que des organismes comme nous, dont les cellules ne communiquent pas, sont obligés de faire. C'est une espèce de route, de bouée de sauvetage pour avoir quand même des communications électriques, alors que les cellules, elles n'échangent rien puisqu'elles sont séparées. Et donc, la plante, elle est construite. Elle a en quelque sorte de base la capacité de faire passer des signaux électriques. Mais moi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'au final, le tour de passe-passe de vulgarisation, il est là. Si on dit un arbre, c'est une cellule géante, je vois pas comment on ne peut pas capter l'attention d'un public, quoi. Alors, ce qui est bizarre, c'est que tu as raison. Alors, l'explication que j'ai donnée est quand même plus compliquée que de dire « La plante a des neurones, comme vous, elle est capable de donner des ordres à ses racines, comme vous, vous donnez des ordres à vos pieds. » C'est un peu plus long, ce que je viens de faire, hein. Peut-être même c'était chiant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... T'as raison, c'est vachement plus fandard, mais j'ai mieux. Les plantes n'ont pas de cancer. Les plantes n'ont pas de cancer. Il arrive qu'elles développent des excroissances, mais c'est toujours parce qu'il y a un parasite qui se développe là et qui provoque la formation de ces excroissances. C'est ce qu'on appelle des galles. Vous avez peut-être joué avec des espèces de billes en bois qu'on trouve sous les chênes, qui sont en fait des bourgeons de chêne dans lesquels un insecte a pondu, et ça transforme le bourgeon en un énorme boule protectrice de l'insecte, de la larve d'insecte, qui le mange par l'intérieur pour se nourrir. Mais sans parasites, les plantes n'ont pas de cancer. Qu'est-ce que c'est un cancer ? C'est une cellule qui commence à vivre sa vie, et qui avec ses descendants fait main basse sur les ressources pour proliférer sans être en fait régulée, en s'affranchissant de la régulation des autres cellules de l'organisme. Si tu es une cellule végétale, et là il faut entendre les guillemets, parce qu'on a dit, chez les végétaux, c'est pas une cellule, c'est un bout, la grande cellule du végétal. Comment tu veux avoir des ressources à toi à part? Comment tu veux échapper à la régulation des voisines, puisque par plein de trous, tu es la voisine? Tu peux pas échapper à ça. Tu peux pas faire des réserves, parce que les molécules que tu manges, elles passent par ces trous. Les molécules des signalétiques qui régulent, qui coordonnent le fonctionnement des cellules voisines entre elles, ça passe par ces trous, ça passe. Donc il est impossible d'avoir une dérive égoïste d'un morceau, puisqu'il n'y a pas de morceau en fait. Il n'y a que des sous-zones, mais c'est que des sous-zones, ce n'est pas des morceaux distincts. Donc il n'y a pas de cancer chez les végétaux. Mais j'ai même mieux. Parce que nous, on ne connaît pas ces tubes qu'il y a entre les cellules qui font qu'en fait, c'est qu'une seule grande cellule dans la plante. On ne le sait pas, ça. Mais les amis, on est les seuls à ne pas le savoir. Hein. Les virus et les champignons parasites, ils savent bien pourquoi. Alors, deux choses. Les virus de plantes, ils sont souvent introduits par des insectes ou des nématodes qui viennent sucer le contenu de la cellule. Et puis, un peu comme les moustiques vous inoculent la malaria. Hein. Je vais juste clarifier pour nématodes, ce sont des petits vers microscopiques. Voilà. Ronds. Dont certains aiment bien les plantes. Ouais. Voilà. Ils sont ronds, tout petits, pas trop visibles à l'œil nu. Et c'est quand même 5 à 10% des pertes de récolte. À part ceux qui, malheureusement, vivent dans les tubes digestifs des humains, comme Ascaris, qui, là, par contre, prennent des proportions. C'est ce qui gratte les fesses quand on est petit et qu'on a mis trop les doigts dans la terre. Merveilleux. Encore une fois, et vive les parasites, je te laisse la parole. Alors, d'ailleurs, il faut que je note ça, Ascaris. Oui, alors, le truc, c'est que donc, le virus, quand il est rentré, après, il se propage de la façon suivante. Parmi toutes les protéines qu'il force la cellule qu'il infecte à produire, il y en a qui ouvrent la taille de ces trous, qui les agrandissent, et qui se disposent dedans de façon à faire passer les copies du virus dans la cellule voisine. Donc les virus végétaux, ils se transmettent en utilisant ça, eux. Ils ont bien compris qu'effectivement, ils n'étaient pas... Chez nous, les virus, quand ils veulent aller dans une autre cellule, bah, ils ressortent en faisant exploser la cellule où ils sont, et d'ailleurs... Quand il y a trop de cellules qui explosent, bah, ça crée des problèmes de santé, n'est-ce pas? Et puis, ils vont dans une autre cellule. Là, ils ne font pas exploser la cellule. Hein. Ils passent juste par les trous. Et puis, quand un insecte ou un nématode, comme on disait, reviendra piquer une autre cellule, il va repartir avec des virus. Donc, ils utilisent ça. Mais il y a mieux encore. Il y a un papier qui est sorti récemment, je lisais ça l'autre soir. Quand un champignon attaque, rentre dans les cellules pour se nourrir, évidemment, si, quand il va manger dans cette cellule, en fait, il est en train de se servir. Quand il mange dans une cellule, entre guillemets, en fait, par le biais de ces ponts, il y a plein de communications aux autres cellules, d'accord? Et donc, en fait, il est en train de se servir dans la grande cellule unique de la plante, en réalité. Alors, dans ces cas-là, quand les plantes sont attaquées, elles bouchent leurs... Allez, on va dire le nom de ces trous-là, c'est les plasmodesmes. Elles les bouchent en accumulant une molécule qu'on appelle la calose. Donc, elles ont des enzymes qui sont postées là et qui, quand une cellule est malade, s'activent et vont boucher tous les trous avec les cellules voisines. Toutes les communications. Logique. Eh bien, on sait aujourd'hui que certains champignons parasites, bon alors pour être exact, c'est pas des champignons, c'est des oomycètes. Ça ressemble à des champignons, mais c'est un autre groupe. Bon, on s'en fout un peu. Ils injectent des protéines dans les cellules qui parasitent, qui vont se fixer sur ces enzymes qui fabriquent la calose et qui les empêchent de s'activer. Donc eux, si j'ose dire, ils ont bien compris, en fait, au cours de l'évolution, ils ont été sélectionnés pour manipuler l'organisation de la plante, et la réussite du parasitisme, c'est de laisser les pores ouverts pour laisser venir dans la cellule parasitée tout ce qui diffuse à partir des cellules voisines. Donc, les parasites des plantes, si j'ose dire, ils utilisent ça en routine. Pourquoi est-ce qu'on n'explique pas ça aux gens? J'arrive pas à comprendre. Surtout qu'en plus, c'est la base de cette fameuse, entre guillemets, neurobiologie. Une neurobiologie, donc, qui se fait sans neurones et qui repose... Il y a bien des transferts de signaux électriques, mais qui reposent sur l'organisation propre de la plante. Eh bien, on est dans la plantalité, là, les amis. C'était ça dont on voulait parler. Ces trucs qu'il n'y a pas chez les animaux. Et ça, des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Quoi. Il y en a des pelles. Alors, je vais peut-être revenir quand même sur celui du cancer, parce que je suis pas sûr d'avoir vraiment compris, en fait, l'idée. Donc, en gros, quelle que soit la... la taille de l'organisme, il ne peut pas y avoir un dérèglement égoïste, c'est ça l'idée ou, Eh ben, c'est ça, c'est une sorte de, le cancer c'est une dérive égoïste où la cellule prélève des ressources et hors de toute régulation habituelle de l'organisme. Attention, égoïste c'est zoomorphisme. Bah, carrément, c'est déjà, c'est déjà vachement orienté de dire que la cellule est égoïste. Si on s'en tient au fait, c'est juste une cellule qui perd sa régulation. Mais... Ouais, mais quand tu sais qu'il y a Richard Dawkins qui est passé derrière et qui a tâté le terrain comme ça sur à la fois en science et en vulgarisation, ça légitime un petit peu l'usage du terme égoïsme, mais je suis d'accord, c'est un peu ambigu. Ouais, mais c'est un vrai problème, hein, on pourra y revenir, c'est qu'effectivement, moi-même j'utilise le mot de dérive égoïste dans mes cours d'évolution. Mm-hmm. En tout cas, sans l'utiliser ici, ce qui est clair, c'est qu'à un moment, ça va servir uniquement à cette cellule à avoir des descendants, et ça va être soustrait à la descendance ou à la capacité des autres à fonctionner, et même ça va faire collapser l'ensemble du système, puisque vous savez que malheureusement, on peut mourir de cancer. Alors, les plantes, elles ne meurent pas de cancer, ça ne les empêche pas d'avoir des parasites qui induisent des proliférations, mais une cellule de plante n'est pas en fait une vraie cellule au sens animal, et donc elle est incapable de capter des choses pour elle-même, puisqu'elle n'est pas une entité autonome, et qu'elle est en pleine communication, notamment pour les molécules comme le sucre ou tous les régulateurs du fonctionnement qui passent d'une cellule à l'autre, elle est en communication pleine et entière avec ses voisines. Elle ne peut pas échapper à ça. Elle est les voisines. Mais du coup, l'équivalent du cancer pour une plante, ce serait une mutation d'un bout du génome de la plante qui entraînerait la mort de la plante en entier. Je n'arrive pas à envisager qu'il n'y ait pas de mutation qu'on retrouve dans le génome de certaines plantes et qui est quelque chose de néfaste pour la plante elle-même, enfin pour l'organisme. Bah, non, mais il y a des choses qui sont néfastes. Tu vois, tu peux avoir des secteurs entiers de la plante qui perdent la capacité à faire la photosynthèse. Mmh. Ou bien qui deviennent des boulets parce qu'ils ne gèrent plus du tout la nutrition azotée et reposent sur les autres parties de la plante. Les mutations, ça arrive. Mais il y a certaines mutations chez nous qui ne font pas de cancer. Donc il y a effectivement l'équivalent de ces mutations qui endommagent le fonctionnement de l'organisme. Tu peux penser par exemple à des mutations dans ce qu'on appelle les mitochondries qui provoquent des myopathies. Mmh. La myopathie, ce n'est pas un cancer, mais c'est une maladie. Donc effectivement, il y a chez les plantes des maladies qui viennent de mutations. Mais jamais chez les plantes, une mutation peut résulter en un dérèglement du fonctionnement de la cellule qui commence à fonctionner pour elle-même et à proliférer. Parce qu'il n'y a pas de cellule. D'accord, il n'y a pas de prolifération aberrante chez les plantes qui soit endogène. Il n'y a pas de cellule au sens où on l'entend chez les animaux. Sauf en cas d'infection. Or, le cancer, c'est une cellule qui commence à se dissocier de la régulation générale et avoir sa descendance et sa propre régulation. Au détriment du groupe, en l'occurrence. Sauf en cas d'infection, du coup, où un parasite peut forcer la plante à produire une structure, mais qui ne porte pas nécessairement préjudice à la plante en entier, d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui fait la régulation, ouais. Qui prélève les effets, et lui, il est séparé de la plante. Du coup, c'est jamais endogène, ça. Ça ne profite pas de quelque chose de potentiel. Quand tu as une prolifération, il y a quelqu'un. Ah, tiens. Bon. Et alors, c'est d'autant plus complexe, parce qu'il n'y a qu'une seule grosse cellule. C'est pareil, ça peut induire en erreur. C'est pas pour autant que la plante n'a pas différentes parties avec différentes identités cellulaires, parce qu'il y a quand même des cellules dans les racines. Ah ben non, la preuve c'est que structurellement on les voit bien, la preuve aussi c'est qu'à un moment quand il y a un accident, c'est un peu ce qu'on appelle la part du feu, hein, techniquement, on va bétonner autour de la cellule malade pour arrêter d'échanger avec elle et on aura compartimenté le problème, c'est ça, hein, quand on bouche les tubes de communication, en gros il y a une cellule qui est en train de merder, bon ben on bouche tout, c'est comme dans un sous-marin quand il y a une voie d'eau. On abandonne cette partie et on cloisonne, quoi. Et donc, effectivement, il y a un intérêt très net à ce qui est ces cellules végétales, entre guillemets, c'est-à-dire ces régionalisations de ce qui est un secteur unique, parce qu'à un moment, il peut se... Alors, c'est très compliqué dans le détail. Je vais vous raconter un truc. Vous savez qu'il y a la sève élaborée dans la plante. Hein, il y a deux sèves. Il y a la sève brute qui monte du sol vers les feuilles. C'est de l'eau et des sels minéraux surtout. Et puis, il y a la sève élaborée qui revient des feuilles et qui va dans tous les organes qui n'ont pas la chance de faire la photosynthèse, le cœur de la tige, les racines, les parties non vertes comme les fruits. C'est le sirop d'érable. Et qui leur amène du sucre. Alors, le sirop d'érable, c'est la sève brute, mais qui remonte au printemps des stocks de racines. C'est pas la sève élaborée. Et ouais, le sirop d'érable, c'est la cata, ouais. C'est que les érables, ils foutent leurs réserves en hiver dans les racines et ils se servent de la sève brute pour les remonter. Là, au t'as printemps. Pas de bol. Effectivement. Ils font jamais rien comme tout le monde, les Canadiens. Mais par contre. Mais par contre, attends, ce qui est vrai, c'est qu'à ce moment-là, au printemps, la sève brute, elle a la composition, en fait, de la D'accord. sève élaborée. Si vous nous avez perdu, putain, là... Ah bah, c'est ça, un podcast science, c'est qu'on pose les questions qui permettent de développer... Alors, la sève brute, elle monte comme dans ouais. une paille. C'est des trous dans la paroi, des cellules. Enfin, c'est des cellules qui sont mortes en faisant des trous. Et l'eau, elle est aspirée par les feuilles, exactement comme quand tu aspires un coca ou... une margarita, l'aspiration étant produite par l'évaporation dans les feuilles. Par parenthèse, c'est une des façons dont la plante utilise l'énergie solaire. On dit toujours, oui, la plante fait la photosynthèse avec l'énergie solaire. Très bien, on oublie un truc, c'est qu'elle fait monter sa sève en l'évaporant dans les feuilles. Et ça, pourtant, on le sait. Alors, ça veut dire qu'il y a deux façons d'utiliser l'énergie solaire. Une façon par l'évaporation et une autre pour la photosynthèse. Et on sait très bien que les plantes évaporent. Fous-toi le cul dans l'herbe pour cet été, tu verras. Quand tu te relèves, tu as l'effet humide. Oui. Quand tu as chaud, tu vas sous un arbre. Bah, pourquoi ? Parce que les plantes, elles évaporent et ça consomme de l'énergie solaire, donc c'est moins chaud. Donc, en fait, tu vois que ces caractéristiques de la plante... Alors là, les animaux, quand ils évaporent, tu peux te mettre sous un lapin, hein. Tu verras, il fait quand même chaud, hein. Même s'il évapore, même si tu le fais sécher au soleil, tant qu'il n'est pas mort. Déjà, je le mettrais sous une vache plutôt qu'un lapin. Bon, ça, c'est une question. De... Attention au coup de sabot, quand même, Pierre. Il y aura peut-être une saison 11. Ouais. On a besoin que tu survives à l'été. Okay. Non, mais plus sérieusement, ce qui est merveilleux, c'est que tout le monde sait que les plantes évaporent, sans vraiment, en fait, enfin, tout le monde sait la conséquence, mais personne n'a réalisé ce que c'était. Bon, donc encore un truc génial que font les plantes. Mais je reviens à ma sève élaborée maintenant. Elle circule dans un réseau de cellules qui se sont secondairement séparées de leurs voisines. Elles ont bouché les trous, sauf les trous qui les mettent en communication avec les endroits qui ne sont pas photosynthétiques. Bon. Alors, dans les feuilles, les cellules qui font la photosynthèse sont toutes en réseau. Et elles sont contre un certain nombre de ces cellules plutôt allongées qui vont emmener la sève brute. D'accord ? Mais elles sont juste en contact, parce que là, les liens sont rompus. Ok ? Et donc, elles vont pouvoir charger comme des dingues dedans du sucre. Cette cellule va devenir bourrée de sucre. Et comme elle est un peu plus loin en continuité avec les parties qui ne font pas la photosynthèse et qui, elles, ont besoin de sucre, eh ben, ce sucre, il circule tout naturellement vers ces parties-là. Alors tu vas dire, ah, mais alors il y a plusieurs sous-réseaux. Non, parce que dans ces parties-là, les cellules qui reçoivent du sucre et qui sont en continuité avec les cellules qui distribuent la sève élaborée, elles sont en continuité avec toutes les autres cellules et indirectement aussi avec celles des feuilles. Donc, c'est juste des régionalement des façons de faire des sous-réseaux pour faire des choses différentes. On pourrait citer plein de ces sous-réseaux qui sont des sous-réseaux connectés par ailleurs au reste du réseau, mais qui ont des fonctions locales. Et là, il y a une architecture de la plante qui est une sorte de petite merveille que les scientifiques ont encore du mal à comprendre dans le détail. J'ajouterais que tant que la feuille n'est pas encore déployée et verte, toutes les cellules sont en communication avec les cellules allongées qui contiennent du sucre. C'est uniquement quand la plante commence à faire photosynthèse qu'elle va devenir un émetteur et qu'il faut qu'elle puisse charger le réseau sans que ça revienne dans les cellules qui ont produit le sucre. Du coup, là, tu sépares et tu crées une zone où tu peux accumuler. En d'autres termes, quand tu étais petit, et peut-être même tu le fais encore, moi je fais encore des châteaux de sable au bord de l'eau, voilà, et quand tu veux avoir... Quand tu as de l'eau sur la plage, là, et que tu veux avoir deux niveaux d'eau différents entre tes châteaux, bah, tu fais une digue. Voilà. Par contre, si tu mets des communications, bah, ça s'écoule de l'endroit le plus haut vers le plus bas. Eh bien, c'est la même chose que fait la plante. Quand il y a un organe qui produit du sucre, elle sépare les parties où, qui produisent le sucre et celles où on va entasser le sucre. Et puis ensuite, dans ces parties qui entassent le sucre, ça va s'écouler vers là où il y a le moins de sucre, c'est-à-dire vers les organes qui le consomment parce qu'eux ne font pas la photosynthèse. Je ne sais pas si je suis clair, mais enfin, l'idée, c'est que, voilà, il y a une construction, là, ça n'a rien à voir avec un animal. Hein. Rien à voir. Ouais, yeah, yeah. Nous, quand on fait circuler des choses, c'est entre les cellules, dans le sang. C'est tout à fait différent. Ouais. Voilà. Et il y a aussi une caractéristique qui est très différente des animaux, c'est le fait que les cellules végétales puissent devenir d'autres types cellulaires aussi, le fait qu'elles puissent devenir n'importe quelle autre cellule spontanément, ce que nous, on aimerait bien pouvoir faire si on se coupe un bras et qu'on veut le faire repousser, mais chez les plantes, ça se fait assez bien. C'est pour ça qu'on peut bouturer des plantes, on peut refaire des racines à partir d'une tige, on peut refaire des racines à partir de toutes sortes d'endroits improbable d'une plante. Ça aussi, c'est un truc qui est propre au végétal. On a des bourgeons qui apparaissent sur les racines, ça s'appelle les drageons, hein. Il y a des plantes comme les élantes ou les robiniers faux acacias, comme ça, qui, bah, quand on les coupe, en fait, il en sort plein. Les mimosas aussi font ça, qui sont en fait d'ailleurs des acacias. Quand on les coupe, il en sort partout tout autour. En fait, c'est les racines qui font des bourgeons. Donc, il y a des capacités comme ça à redonner des cellules en division à partir de cellules qui font autre chose, ce qu'on appelle la dédifférenciation. Et à tout moment, une cellule ou un tissu qui contient des cellules assez différenciées peut redonner effectivement des cellules capables de redevenir n'importe quel autre type cellulaire. Et cette plasticité d'organisation, elle va avec la tolérance à la mutilation que je disais tout à l'heure. Vous voyez bien là, le fait qu'il y ait des bourgeons qui se forment sur les racines et que donc des cellules de racines redeviennent des cellules qui engendrent des tiges, c'est quand même une réponse au fait que la tige a été coupée. Donc quelque part, nous, on est fait pour acquérir un plan d'organisation dont on doit surtout plus se départir. Après, on ne peut pas se retirer un bras, on ne peut pas se supprimer la tête ou le foie, ce n'est pas possible. Enfin, moi, je connais quelques dirigeants américains qui vivent sans tête, mais c'est quand même assez exceptionnel dans l'évolution. Il a fallu quand même des milliers d'années pour arriver à faire ça. Plus sérieusement, la plante, elle est vraiment faite pour pouvoir à tout moment recommencer tout de zéro. Et tu as raison, il y a plein de méthodes horticoles qui prospèrent là-dessus, le bouturage. Donc au final, qu'est-ce qui manquerait à notre approche, dans notre façon de communiquer autour des plantes ? Est-ce que c'est bien de faire de l'anthropomorphisme pour amener les gens sur le sujet ? Qu'est-ce qui manque actuellement pour que les gens comprennent vraiment qu'est-ce que c'est qu'une plante et qu'est-ce que ça implique autour d'eux ? Alors, il manque plusieurs choses. Déjà, il faut déjà balayer, on l'a fait un petit peu dans notre cours, hein, il manque des gens qui savent ce que c'est que les plantes pour en parler. Alors, savoir ce que c'est que les plantes, il ne faut pas se méprendre. Personne ne sait, dans l'absolu, ce qu'est le Big Bang, ce qu'est la plante, mais il y a des gens qui, par leur travail de recherche ou d'enseignement, ont en tête la vision qu'on en a actuellement. Bonne ou mauvaise, d'accord, mais indubitablement moins rudimentaire qu'un avis de passant. Et on a besoin de gens qui, en ayant cette connaissance, soit pour le coup des passeurs de science, c'est-à-dire aille le raconter. Alors il y a des gens qui font ça très bien. Catherine Laine a écrit un bouquin qui s'appelle Dans la peau d'une plante, que je trouve très bien, moi. Fleur Dauget a écrit un bouquin qui s'appelle L'intelligence des plantes. Aïe, aïe, aïe. Alors, pauvre Fleur, d'ailleurs. Je crois qu'elle s'appelle Fleur. Hein. Elle l'a sorti exactement au moment où Mancuso sortait L'intelligence des plantes. Donc, je ne sais pas si elle en a vendu beaucoup. Parce que Mancuso ayant fait un battage... est-ce que c'est bien Fleur Dauget ? Je suis en train de regarder. Oui, oui, c'est Fleur Dauget qui a fait aussi un livre remarquable qui s'appelle Animal Homo. Animaux Homo ? Animaux. Oui. Ouais, je l'ai juste au-dessus de moi. Oui, elle a aussi fait quelque chose sur la vie dans la fourmilière. Enfin, et elle, je trouve qu'elle est assez proche de... Elle est bien documentée. Mm-hmm. Quoi, le titre ? Bon, Catherine Laine, c'est... Il y a un jeu de mots dans la peau d'une plante ou c'est... Alors ça, c'est le livre de Catherine Laine. Bah oui, c'est... Alors, on va dire, ah ben voilà encore quelqu'un qui nous fait de l'animal. Bah, oui. Parce que c'est vrai que les animaux... Mais oui. Non, mais là, c'est... Personne ne dérape sur cette métaphore ou sur cette plaisanterie. Ça, c'est... Parce que ça, c'est l'autre truc, c'est que pour être marrant, des fois, tu peux faire des oxymores. Des choses paradoxales, comme la peau d'une plante. Ça, c'est plutôt marrant. Donc, le livre en question de Catherine Laine est quand même un livre un peu savant, mais c'est un livre bien, hein, vraiment très fidèle... à l'image qu'on a actuellement. Donc on a besoin de plus de scientifiques qui fassent ça, et on aurait besoin que quand ils font ça, ben, ce soit reconnu dans leurs travaux, quoi, surtout, parce que dans ce cas-là, ils le feraient. Ouais. La deuxième chose où on a besoin, je pense, c'est de journalistes scientifiques. On vit une époque de merde où les journalistes qui parlent à la radio, ils ne connaissent que un tiers de la culture de l'humanité. Et quand je dis un tiers, J'y vais largement. Ils connaissent assez bien l'histoire géo, les sciences humaines, l'économie, les sciences politiques. Bah, je suis désolé. Le monde, il a tourné sans que ces objets-là existent pendant des milliards d'années. Les deux autres tiers de la connaissance de l'humanité, c'est les sciences. Alors, on peut les appeler dures ou pas dures, je ne sais pas. Bon. Mais en tout cas, c'est notamment la biologie, la géologie, les sciences de l'environnement, la physique de l'environnement, la chimie. Ils n'y connaissent rien. Alors, non seulement ils n'y connaissent rien, mais en plus, petit 1, ils n'en sont pas conscients. Et petit 2, ils véhiculent cette idée générale par défaut, hein, c'est pas un programme, que c'est pas grave. Bon, on a un président qui nous a dit un jour que l'Amazonie était le poumon du globe. Alors, on devrait être tous morts de rire, parce que je vous rappelle qu'un poumon, ça consomme de l'oxygène et ça produit du CO2. Donc, si l'Amazonie est un poumon du globe, il faut aider Bolsonaro à brûler cette forêt. Bah oui, c'est la seule façon de faire du CO2. Oui, mais on sait que c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est ça qui est terrible, c'est que non seulement il savait pas ce qu'il voulait, c'est pas ce qu'il voulait dire, mais c'est que la réalité derrière reflétait pas ce qui se passait vraiment vis-à-vis de la forêt, quoi. C'est... Enfin, je... Mais on comprend. C'est pas. Je suis pas vétilleux. Je suis pas en train de faire de l'anti-macronisme primaire, mais secondaire. Ce que je veux dire, c'est que s'il avait dit que Marignan avait eu lieu en 1412, tout le monde serait mort de rire. Et on aurait dit, quand même, quelle époque, quelle décadence, après nos présidents littérateurs, Pompidou et son anthologie de la poésie française, De Gaulle et son art inimitable de manier la langue. Bah oui, mais là, c'est pas grave. Et quand on essaie de dire aux journalistes, mais regardez, c'est quand même grave, ça veut dire que les gens qui nous gouvernent n'ont pas bien compris ce qui se passe dans leur environnement. On dit, oui, non, mais oui, ils voulaient dire que... Et tu vois, Irène, toi-même, tu étais prêt à lui pardonner. Moi, je pense qu'on vit dans un monde où les journalistes véhiculent trop cette idée que, finalement, la science, c'est un truc de geek. Et vous savez, dans une soirée en ville, vous pouvez dire que vous êtes nul en maths. Tout le monde sourit avec complicité. Si vous dites que vous êtes nul en histoire ou nul en littérature... C'est quand même c'est un peu pourri, quoi. Bon, c'est comme ça, mais c'est quand même pas valorisant. Hein, c'est vrai. Bah, moi, j'ai jamais lu le livre de plus de 12 pages. Voilà. Vous êtes donc, en fait, on manque des journalistes qui véhiculent une image équilibrée du monde. Moi, j'ai écrit, j'adore, il y a une émission que j'adore sur France Info, c'est Les Informés. Et je leur ai écrit parce qu'un jour, ils ont fait venir, je crois que c'était Jacques Vendroux, un journaliste sportif. Bon, je trouvais que c'était sympa. Bon. Il n'avait pas grand-chose à dire sur certains sujets de société, mais par plusieurs fois, il a apporté des éclairages assez orthogonaux à ce que les autres avaient à proposer. Mais il n'y a jamais de journaliste scientifique. Et cette émission, pendant la crise du Covid, on a entendu des fois des trucs qui étaient, mais enfin, c'est des erreurs de première année de scientifiques. Bon, alors, c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Mais il n'y a pas cette capacité de corriger en faisant valoir une plurivocité des disciplines dans les savoir-faire journalistiques. Et par exemple, dans une émission comme dans Les Informés, être capable d'avoir plusieurs, enfin d'avoir aussi, de temps à autre, des journalistes scientifiques. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, moi, j'ai jamais eu de réponse à ce que je pense être une façon de pointer, de la part d'un auditeur qui le disait, aime l'émission, pointer quelque chose qui est une difformité majeure de l'information. Une difformité majeure. Les ascenseurs ne montent pas avec des sciences politiques. Les avions ne volent pas avec des sciences économiques. Les voitures ne roulent pas avec des sciences sociales. C'est faux. Et pourtant, tous les jours, on les utilise. Enfin, peut-être pas les avions, et heureusement d'ailleurs, mais... Donc, on vit dans un problème aussi où les scientifiques ne sortent pas pour raconter, où les enseignants ne sortent pas assez pour raconter ce qu'ils ont vu, ou alors c'est chiant. Les journalistes ne font pas raisonner ça, et puis finalement, bah, les citoyens... Et c'est peut-être le dernier pilier pour répondre à la question. Ils ne sont pas forcément formés assez pour être curieux de ça ou être initiés à se poser des questions heureuses, mmh. épanouissantes, mmh. intéressées. Je vais peut-être maintenant me faire l'avocat du diable parce que y avait quelque chose quand même qui me hantait dans cette histoire de métaphore et que d'ailleurs tu as été illustré avec ta remarque sur Hooke. Qui donc, en faisant une première observation de morceaux de liège, envisageait le concept de cellule. Et on n'a pas assez évoqué, je pense, la recherche en train de se faire, puisque ce que tu nous as révélé, et qui était passionnant, c'est que, en fait, bah, les cellules, notamment dans du liège, bah, ce n'était pas vraiment un reflet de la réalité. Ah non, c'était pas des cellules monastiques. Au contraire, ça échange à fond exactement, avec l'extérieur. C'est vraiment, c'est, au contraire, il a utilisé une métaphore qu'on utilise maintenant et qui est centrale. On a la théorie de la cellule, etc. C'est fondamental pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure et que ça a lancé la science du vivant de manière assez exemplaire. Dans une autre époque. Bien sûr. Et je me demande maintenant si du temps de Mancuso ou du temps des travaux, par exemple, de cette chercheuse dont tu parlais les travaux là justement sur sur le Mimosa pudica Monica Galliano, s'il n'y avait pas nécessité d'utiliser des métaphores un tout petit peu provocatrices pour arriver à bousculer à ce moment-là les esprits et lancer une recherche, on va dire, exemplaire sur le sujet. En gros, est-ce que parfois des métaphores, c'est bénéfique dans le milieu de la recherche ? Alors, la réponse est totalement oui. Et la pratique est ancienne. D'ailleurs, très souvent, elle est tellement ancienne qu'on comprend aujourd'hui que le mot a deux sens. Tu vois, quand tu parles d'une relation hôte-parasite, bon bah l'hôte, c'est pas un aubergiste qui met la table et qui t'amène un pichet de pinard. Mais c'est dérivé de ça. Linné qui a, je crois, introduit le mot de gynécée pour l'ensemble des parties fertiles femelles de la fleur. Le gynécée, c'est la chambre des dames dans la Grèce antique. Hein. C'est l'espace réservé aux femmes et aux enfants. Bon, donc, et puis c'est très fort du coup. Et le Big Bang, c'est pareil, c'est pas une grosse explosion. Hein, c'est... Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez ancien et ça permet de donner du piquant aux idées. Bon, la deuxième chose, c'est que ça a une autre fonction. Et là, on va reparler de l'égoïsme. Puisque Irène, tu avais buté sur ce point, et c'est très juste, hein, c'était un moment où il y a un risque de dérive. Quand on dit qu'une cellule cancéreuse est une cellule égoïste qui redistribue ses ressources vers des fonctions propres qui ne contribuent plus aux autres fonctions, tout en continuant à tirer bénéfice des autres, en l'occurrence le sang et le sucre qui arrivent, on fait quelque chose d'autre qu'une métaphore. Ça contient un programme intellectuel. Je m'explique. Ce programme-là, il revient à dire que ce qu'on appelle l'égoïsme chez nous, c'est une forme chez l'homme de l'égoïsme en général. Alors je m'explique, un égoïste chez nous, c'est quelqu'un qui tire profit de ce que font les autres sans contribuer à ça. Vous connaissez les bronzés fondus ski, hein, c'est quoi le défaut de... Comment il s'appelle déjà ? Oula, non, j'ai pas les références. Enfin, je l'ai vu, mais je me... C'est quoi le défaut de... Je sais plus, il y en a... Quand il y en a un qui est en train de faire du ski et le moniteur dit, bon, alors c'est quoi le défaut de... Je sais plus s'il s'appelle Gérard. Et il y a sa compagne qui répond, il est égoïste. Alors qu'on s'interrogeait sur savoir comment est-ce qu'il skiait. Bon, alors l'égoïsme, on voit bien ce que c'est chez nous. Mais quelque part, ce n'est que l'incarnation biologique de ce qui se passe quand dans une communauté de cellules qui fonctionnent ensemble, une des cellules commence à tirer bénéfice de la communauté et à n'utiliser ça que pour elle. Donc, un ensemble de biologistes de l'évolution utilisent les mêmes mots pour dire, bon, évidemment, ça se passe pas pareil. La cellule se dit pas, oh putain, là, je vais les niquer, je vais leur prendre leur sucre et ils auront plus rien à la place. Vous y êtes ? Donc effectivement, il faut transformer les choses. Mais scientifiquement, c'est sympa parce que ça revient à ne pas donner un nom spécial quand l'homme fait un truc qui existe par ailleurs dans la nature. Et ça, c'est très important parce que il y a bien sûr un risque d'anthropomorphisme, on risque de dire, ah bah oui, la cellule fait comme l'homme alors qu'elle le fait différemment. Mais si on donne un nom différent pour l'homme et pour la chose qui se passe dans la nature, alors on fait de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'on commence à ne plus appeler pareil ce que fait une chose quand l'homme le fait et quand ça se passe chez d'autres organismes dans la nature. Et là, c'est le début de commencer à plus voir que l'homme est un morceau de la nature. Donc c'est quelque chose qui nous sépare, nous individualise, nous met originaux dans la... Et ça, c'est le début de la crise écologique, quoi. Où on pense qu'on est à part des ressources de la nature et qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, on est dans la nature, on n'en est qu'un morceau, on est soumis à ses règles. Et donc, il faut retrouver cette position de l'homme dans la nature et se dire que les soins parentaux, bah, ça arrive chez les lions et chez les hommes. Se dire qu'il y a des stratégies pensées et éventuellement conscientes chez les animaux, mais il y a aussi des stratégies végétales. Aujourd'hui, on parle de stratégies pionnières chez certaines plantes ou de stratégie nomade, ou de stratégie dryade pour celles qui vivent en groupe. Donc, on parle de stratégie. Mais évidemment, quand on parle de ça entre scientifiques, quand je parle de ça à mes étudiants en écologie, ils ne vont pas s'imaginer que la plante qui a une stratégie pionnière, elle se dit « bon, je vais aller coloniser les talus de route ». Bon, non, c'est pas... Pourtant, on parle de plante pionnière ou de plante colonisatrice. Donc, ce risque de dérapage de sens, il n'existe pas dans la discipline. Et au contraire, dans la discipline, ça rend sexy des idées nouvelles, voire même des fois, ça montre qu'un phénomène biologique qu'on étudie sur du blé, c'est l'équivalent de quelque chose qu'on connaît déjà chez l'homme. Bien. Alors, maintenant, là où ça dérape, c'est que parler, c'est pas juste faire des trucs sexy ou donner du sens pour soi. C'est donner du sens pour celui qui écoute. Et là, on touche à un point très important de la vulgarisation, qui est l'empathie. On vulgarise pas pour dire ce qu'on a dans la tête. On vulgarise pour que celui qui est en train d'écouter, compte tenu de ce qu'il est, et il est à la fois des trucs que moi je connais pas, et des trucs qui connaît pas ce que je connais moi, vous voyez, c'est pas, il y a pas de relation de, c'est pas messianique, hein, cette histoire, c'est juste qu'on est différent. Et vulgariser, c'est prendre quelqu'un qui connaît des tas de trucs que tu connais pas toi, mais qui connaît pas ce que tu connais toi, et t'essaies de lui transposer non pas tes mots, tes jolies images, des trucs accrocheurs, t'essaies de le faire aller vers un autre point, mais en partant de là où il est. Et c'est vrai que si moi je parle de stratégie tricheuse avec des collègues évolutionnistes, il n'y a aucun problème, c'est clair pour tout le monde. Hein. Moi j'ai écrit des articles sur les stratégies tricheuses des champignons mycorhiziens. Mais si je commence à dire ça à des gens, ça ne va pas être très très clair, parce que pour eux, le mot tricheur, il n'est pas en science depuis assez longtemps pour qu'il lui donne, comme pour gynécée ou pour hôte parasite, pour qu'il lui donne un sens différent en science du sens quotidien. Et donc là, ça commence à déraper. Et c'est ça le truc, c'est que les scientifiques ont parfois oublié que communiquer, ce n'est pas juste photocopier ce que l'on sait. Et les scientifiques, et pas que, puisque Peter Vollebonne n'est pas scientifique. Communiquer, c'est aider l'autre à aller d'un point à un autre. C'est l'aider. Ça s'appelle de l'empathie. Et si on commence à faire avec des trucs sympas, mais qui le libèrent pas, eh ben, après, la minute d'après, il va dire, ah, il faut plus couper les arbres. Même quand les trucs sont en train de se faire bouffer par un champignon qui est en train de leur ratiboiser les branches. Et si on coupe pas les branches, le tronc va mourir. Donc, vous voyez, le truc, c'est ça. C'est, en science, effectivement, on utilise des mots venus d'ailleurs. C'est fécond. Intellectuellement, et c'est sexy. Mais en vulgarisation, c'est super glissant. Ok, moi j'aurais rajouté juste une dimension, c'est aussi qu'en science, à l'heure actuelle, on doit bousculer parce que ça nous permet d'exister. Et je ne serais pas surpris si l'emploi de termes comme neurobiologie, etc., c'était aussi une manière d'attirer l'attention des organismes de financement, de ce genre de choses, parce que il y a aussi une part de marketing à pas négliger, quoi. Ouais, ça c'est une vraie question. Est-ce que cet engouement vis-à-vis des grands mots marketing et de l'empathie des plantes et de l'intelligence, ça facilite le fait d'avoir des financements quand on travaille sur une plante? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était plus sexy pour les financeurs de travailler sur un remède contre le cancer que de travailler sur comment fonctionne une plante. Est-ce que maintenant, ça change? Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose par rapport aux agences de financement de la recherche. Ça peut changer des choses par rapport à des mécènes. Si tu essaies d'attirer des fonds de mécènes ou d'associations, là, ça peut changer des choses. Mais ce n'est pas l'endroit où on le fustige. L'endroit où on le fustige, c'est surtout en vulgarisation. Alors, moi, je voudrais citer une phrase de Buffon. Buffon, c'est quelqu'un qui a été un grand biologiste. Et il a été reçu à l'Académie française. Et il a décidé de faire son discours d'investiture sur le style. Et il a cette phrase, il dit « Le style, c'est l'homme. » Au sens où on se définit par le style que l'on a. Beaucoup plus que par toute autre chose. En tout cas, quand on parle d'idées, quand on écrit, ou quand on fait des discours. Et je pense, moi, que quand on n'a pas de style, on en est réduit à faire du bruit. Là, je commence à être méchant, hein, donc je vais être odieux, je suis désolé, mais quand on n'a pas de style, on fait du bruit. Pour se faire entendre. Le style, c'est la façon de passer ses idées en les respectant. C'est-à-dire, et c'est pas facile, et entre nous, je ne suis pas sûr d'être exemplaire, au contraire. Donc, j'entends bien que c'est difficile. Mais le style, c'est la façon de donner une dimension formelle à ces idées qui respectent ce qu'elles sont au fond. Le style, c'est l'homme. Et c'est un truc vraiment important, ça. C'est cette quête de... Alors, pour citer encore quelqu'un d'autre, c'est Maurice Barrès qui parlait de la note juste en matière de style. C'est trouver le mot qui fait fidèlement place aux idées, mais dans la tête de celui qui les écoute aussi, qui va vraiment entendre ce que tu dis, quoi. Voilà. Et du coup, je me demande si c'est pas plutôt autour de l'information qu'il faut créer des trucs interpellants. Je sais pas, moi, des blagues, des lectures de textes poétiques qui auront absolument aucune interférence avec le contenu. Regarde, un truc tout con, Microcosmos a été un succès, il n'y a pas un mot dedans. C'est pas faux. Le silence peut être aussi une façon de faire valoir des choses. Enfin, voilà, c'est pas facile. Hein. Mais je pense que voilà, les métaphores un peu bruyantes là, dont on parle, c'est un manque de style, c'est une façon de vociférer. De ce genre de complément à la vulgarisation et dans le style, c'est vrai que des choses comme l'illustration aident pas mal. Si on prend l'article Espèce, là, l'illustration d'entrée du billet est très drôle. C'est un jardinier qui taille une haie en forme de cerveau et qui dit « Voilà, j'ai taillé cette plante en forme de cerveau pour rendre hommage à l'intelligence végétale. » Et le personnage d'à côté qui est toi, peut-être parce qu'il te ressemble. Peut-être, oui. on dirait, il a une cravate, ouais. Alors, ouais. Ça peut être moi. Dit « c'est complètement con. <Ouais. rire> » ça résume un peu le billet, c'est efficace. Ça, oui. J'avais recommandé à Arnaud de faire dire à une des branches qui était tombée par terre « Moi, il m'a trouvé trop bête pour incarner l'intelligence végétale. » Bon, alors, c'est le moment de parler d'Arnaud Raphaëlian, qui fait pour la revue Espèce un très gros travail d'illustration, puis c'est lui qui est le metteur en page de cette revue, une revue qu'on trouve dans les bons kiosques et sur abonnement, hein, qui est une revue d'histoire naturelle qui paraît 4 fois par an, et qui est une revue qui a été montée par Cécile Breton, une journaliste corse qui a réussi à tirer tout un cénacle de scientifiques dans la relecture des articles ou même leur écriture. Et c'est une super revue, je trouve. Et donc, elle est très, très bien illustrée par Arnaud. Moi, j'ai été tellement séduit par les dessins d'Arnaud et par cette forme d'humour un peu décapant. Et puis, alors, sur la forme, il n'hésite pas à dire merde quand il faut dire merde, mais à un moment où tu ne t'y attends pas. Donc, du coup, c'est un peu décalé et marrant. Cet humour d'Arnaud m'a tellement plu que je lui avais demandé de... Et il a d'ailleurs illustré le bouquin que j'ai écrit sur l'histoire naturelle des tanins, qui s'appelle « Les goûts et les couleurs du monde », et où il a fait quelques dessins qui permettent d'aérer la lecture, et puis de faire un pas de côté, et en fait, qui pratique, t'as raison de le citer là, hein, qui pratique une forme d'attractivité ou d'éléments qui accrochent l'œil, mais qui n'interfèrent pas avec le fond, qui au contraire pousse vers le fond. Enfin, moi je trouve, je vous laisse juger. Dans la revue Espèce, je trouve que c'est vraiment réussi en général. Oui, c'est la petite anecdote d'entrée finalement qui va donner envie de lire le reste du billet, quoi. Et... Ouais, je sais pas s'il fallait pas faire remonter les questions des auditeurs avant de passer à discuter de la revue Espèce. Je sais pas ce que t'en penses, Léa. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas eu, il y a eu des questions sur Jamais seul. C'est pour ça que je voulais les relayer peut-être après. À la fin, d'accord, ok. Mais il y avait une remarque surtout de Chloé qui s'interrogeait sur les histoires d'électrodes. Est-ce que ces histoires d'électrodes dont on parlait tout à l'heure, ça vient de nulle part parce qu'il y a des expériences concrètes, réelles, par exemple pour étudier le comportement alimentaire du puceron ou pour observer son comportement de succion, on lui met une électrode dessus, on met l'électrode sur la plante, sous la plante, et on arrive à mesurer des choses qui se passent. Donc voilà, elle s'interrogeait si les histoires d'électrodes permettaient pas finalement de voir quand même des choses et un état de la plante. Oui, alors Chloé a raison, il y a derrière ces histoires d'électrodes et d'activité électrique, il y a tout à fait, il y a des choses. Ce que j'ai dit, c'est que dans l'expérience où on fixait, finalement, on regardait ce qui se passe entre la plante et la terre, il y avait tout ce qu'il y avait dans la terre, pour le coup, qui interférait. Et donc, c'était beaucoup plus compliqué que l'expression de la plante. Mais effectivement, si on met l'électrode à deux endroits de la plante, on peut aussi avoir des signaux. C'est tout à fait exact. Et les activités électriques sont tout à fait intéressantes. On sait par exemple que les bourdons n'ont pas tout à fait la même charge que les fleurs. Alors je crois de mémoire que les bourdons sont chargés un peu positivement, les fleurs négativement. Quand un bourdon se pose sur une fleur, il la décharge électriquement. Et on a des preuves que les bourdons, quand ils s'approchent de fleurs, ils savent sentir si elles sont chargées ou pas. Si elles sont déchargées, c'est qu'elles ont été récemment visitées par un autre bourdon. Donc c'est même pas la peine d'y aller. Si elles sont chargées, c'est qu'elles ont eu le temps de reprendre leur charge qui leur provient du reste de la plante, leur charge électrique, et donc là ils la visitent parce que ça veut dire qu'elle a, c'est une fleur qui n'a pas été visitée depuis longtemps et qui a donc sans doute eu le temps de resynthétiser du nectar. Donc ces activités électriques existent bel et bien, et il y a même des animaux qui les perçoivent comme des signaux, donc elle a tout à fait raison, hein, y a un fond à ça. Mais ça ne veut pas dire que la plante s'exprime électriquement, ça ne veut pas dire que la plante chante une chanson pour attirer les insectes. Sauf que si je transforme ce signal électrique de recharge en bruit sonore, ce qui quand même est une modification hein, du... je pourrais dire que les plantes sifflent les insectes pour leur dire qu'elles sont prêtes. Non mais des métaphores comme ça, on peut en utiliser plein. Oui. Alors celle-là, typiquement, bon, alors là, ça vient plutôt de la blague, donc c'est moins dérapant, mais vous voyez, enfin, la question c'est comment on le dit. Mais on ne dit pas que dans beaucoup de ces ouvrages, il n'y a pas d'effet vraiment intéressant. Oui. On dit plutôt qu'il y en a d'autres qui sont très intéressants, dont on ne parlera jamais parce qu'ils ne sont pas réductibles à l'animal, et que des fois, la façon dont c'est raconté est trompeuse pour le lecteur. Oui, c'est vrai que des fois, il y a des vraies marges de progression entre le vrai résultat scientifique de la publication et la façon dont il est vendu dans les médias. Je pense là spontanément à deux exemples, celui des chenilles qui devenaient cannibales. Donc c'était les feuilles de tomates qui rendaient les chenilles cannibales. Parce que quand les feuilles se faisaient asperger d'une substance, les chenilles finalement trouvaient les feuilles plus dégueulasses que leurs propres congénères mortes, et du coup elles mangeaient les chenilles autour, mais ça a été médiatisé comme la plante rend la chenille cannibale, ou le fait que les plantes entendent. Il y a eu des résultats récemment sur le fait que les onagres étaient capables de sécréter plus de nectar si on leur diffusait le son d'un pollinisateur. Oui, absolument, oui. Mais ce n'est pas forcément étonnant, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la perception des vibrations est tout à fait possible chez les végétaux. Donc, oui, j'ai lu ce papier, effectivement, c'est marrant. Et tout ça s'est transformé dans les médias en les plantes entendent tout, les plantes sont mélomanes, les plantes... Donc c'est encore une fois le zoomorphisme. Mais je ne connaissais pas l'histoire des chenilles cannibales, mais je vois ça, effectivement. Nature, écologie and evolution. C'est aussi un article très marrant. Bon, on va lire ça ce soir. Voilà. Donc, sur les questions, plutôt sur la partie plante... Mais tu vois, t'as raison. Hein. On peut le raconter de façon marrante, sans nécessairement... Bon, voilà, cannibale, je pense que... Là, la métaphore est, je pense, pas aberrante. Là. Elle n'est pas dangereuse, je pense, en termes de compréhension. Oui, tout à fait. C'est un truc à doser. Hein. Et puis, c'est pas une science exacte. C'est comme l'enseignement. Hein. C'est ça. Mais encore aujourd'hui, malgré la profusion d'ouvrages, il n'y a pas possibilité d'avoir beaucoup de discours différents dans la façon dont elle les aborde. C'est vrai que tout le monde adopte un peu la stratégie du sensationnalisme en disant voilà, les plantes sont intelligentes. On n'a pas beaucoup de nuances ou d'autres points de vue finalement encore, mais ça va peut-être s'améliorer dans les prochains ouvrages. Oui et non, parce que le problème, c'est que la place est un peu prise. Bon, typiquement, moi, si j'avais là, à cette minute, dans les bouquins que j'ai envie d'écrire, il y aurait un bouquin sur la plante. Hein. Mais le marché est un peu pris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois. Et donc, c'est pas un truc à faire, quoi. C'est dangereux, c'est arrivé après la bataille. Et je pense qu'en fait, c'est là où l'intelligence de la plante cache la plante, c'est que finalement... Tout ce qui pourrait sortir de plus est un petit peu empêché de sortir. Alors moi, je me défends de ça en faisant ce que je peux, c'est-à-dire que je parle de la plante dans d'autres livres ou dans d'autres moyens. Finalement, le livre sur les tanins que j'ai écrit récemment, c'est une façon de parler de la plante. Pas que, parce qu'il y a aussi tout ce que ça entraîne dans les sols, dans les animaux, dans les cultures humaines. Ah, justement, c'est une excellente transition pour parler de tes travaux de vulgarisation. Donc, tu étais déjà venu à Podcast Science dans les précédentes émissions. Donc, c'était l'épisode 193 où tu avais parlé de l'évolution et des transferts horizontaux de gènes entre les organismes. Et dans l'épisode 306, tu étais venu... C'était en combien, c'était ça? C'était le 193, le numéro 193. Donc, c'était il y a quelques années. C'était longtemps. Hein. Je n'étais pas encore dans le podcast. Pierre, tu étais là peut-être. Oui, aujourd'hui on est au 419, donc c'est vrai qu'on a fait du chemin. Et il y avait, comme tu le disais, aussi l'épisode 306 qu'on a enregistré chez Claire pour que tu nous présentes ton livre « Jamais seul ». Donc « Jamais seul », c'était un livre sur toutes les microbes du sol qui contribuaient à tout, à la vie du sol, la vie des plantes. C'était plutôt les microbes qu'il y avait dans les animaux, dans les plantes, dans les hommes, et puis aussi dans nos habitudes et nos traits culturels, comme notre nourriture. Voilà, il y a d'ailleurs une remarque d'une lectrice du livre « Jamais seule » dans la chatroom qui dit que depuis qu'elle a lu le livre, elle ne se lave plus les mains. En citant la page 155, on a soudain moins envie de se laver frénétiquement les mains ou de les enduire de gel bactéricide. Voilà. Et elle demande quelles sont les conséquences des mesures anti-Covid de ce point de vue-là, et est-ce qu'il y a un impact à utiliser du gel hydroalcoolique à grande échelle comme aujourd'hui ? Alors, en fait, ça c'est très intéressant cette histoire-là, parce que ça nous montre que rien n'est bon, rien n'est mauvais, tout est question de circonstances et de doses. Et ça, c'est vraiment un truc important. L'idée, c'est que, en général, on a effectivement des microbes protecteurs sur la peau, et il vaut mieux pas prendre de savon bactéricide ou pas trop souvent les abîmer parce qu'ils sont un écran naturel aux maladies. Dans le milieu hospitalier, par exemple, où on se désinfecte beaucoup les mains, on finit par attraper des mycoses parce que des champignons finissent par s'installer, qui normalement ont bien du mal quand même, à cause des microbes qu'on a d'habitude sur la peau, qui ont d'habitude du mal à s'installer. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en vrai, on a une micro-faune naturelle qui est faite de microbes. Alors évidemment, en période épidémique, c'est-à-dire quand il y a de la grippe, de la gastro-entérite, ou en période de SRAS comme actuellement, bon, bah là, il faut effectivement se désinfecter les mains chaque fois qu'on va les mettre sur des muqueuses. Mais attention, quand on va les mettre sur des muqueuses, ça ne veut pas dire qu'il faut à tout bout de chance mettre du gel sur les doigts. L'idée, c'est qu'il faut apprendre à plus les mettre sur les... Alors ça, on porte une fois les mains sur la tête toutes les 5 minutes, nous apprend-on. Alors ça, c'est... effectivement, j'ai regardé, c'est un réflexe. Mais il faut apprendre à ne plus se mettre les mains sur soi et à se les laver, soit quand on rentre de l'extérieur, soit quand on va manger ou les mettre dans les yeux ou sur la bouche. Et à ce moment-là, il vaut mieux utiliser de l'eau et du savon, c'est quand même moins dangereux. Par contre, effectivement, si on est dehors, on utilise du gel hydroalcoolique. Moi, j'ai eu des discussions, effectivement, j'ai été appelé à trancher un débat en salle des profs, où les profs ne voulaient pas reprendre parce qu'il n'y avait pas de gel dans la salle des profs, alors qu'il y avait 3 lavabos. Effectivement. Ben, je suis désolé. 3 lavabos avec du savon, c'est mieux que du gel hydroalcoolique. Donc, le gel hydroalcoolique, pour résumer, il faut le pratiquer comme une façon de se désinfecter au moment vraiment où c'est pertinent, c'est-à-dire après des contacts vraiment contaminants quand on revient de l'extérieur, ou avant de faire, de toucher des aliments ou des muqueuses. Bon, de préférence, on passera à l'eau, et de toute façon, on limite toutes ces actions qui, en fait, nous vulnérabilisent à long terme. Alors, cela dit, le lavage des mains, c'est une chose. Le vrai problème, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est le lavage du corps avec une fréquence trop élevée de douches savonnées et parfois l'utilisation de savon bactéricide alors même qu'on n'en a pas besoin en routine. Il faut se rappeler, même s'ils puaient, que nos ancêtres, ils ont passé des centaines de millions d'années sans se laver. D'accord ? Donc on n'est pas fait pour être lavé. Et de fait, se laver, ça améliore certaines choses, mais ça en abîme d'autres. Une des choses que ça abîme, et il faut le dire, c'est qu'à force de rincer la peau compense, parce que ça la sèche, en resécrétant du sébum beaucoup plus vite qu'elle n'en sécréterait sinon. Or, c'est la fermentation de ce sébum qui donne les odeurs corporelles. C'est les microbes de la peau qui font ça. En d'autres termes, plus on lave, plus on pue. Parce que plus on se lave, plus on sécrète du sébum, plus les microbes font des odeurs avec ce sébum. Et c'est d'ailleurs une chose que tout le monde peut essayer, réduisez la fréquence de douche. Réduisez-la, vous verrez les premiers jours vous sentez un peu fort, mais très rapidement, en fait, vous faites moins de sébum, et en espacant... deux fois plus vos douches, très rapidement, il n'y a plus de problème. Alors, ça dépend des peaux. Il n'y a pas de règle absolue. Là non plus. Mais il y a vraiment à réfléchir sur cette tendance à l'hygiénisme qui est avantageuse à court terme, mais qui à long terme n'est pas bonne. Et puis bon, je pense que tout le monde a bien vu que l'utilisation de l'alcool, là, ça faisait quand même la peau un petit peu raide, hein, tant qu'il a fait froid. Maintenant, il fait plus doux, donc ça se sent moins. Mais quand l'hiver reviendra, il faudra quand même qu'on apprenne à utiliser les solutions alcooliques au moment où il faut les utiliser, sinon on va avoir des gerçures partout. Et ça, pour le coup, des gerçures avec un contact contaminant, c'est pas bon. Alors je crois qu'il n'y a pas encore eu de sondage sur ce point-là, mais peut-être que le confinement a été justement l'occasion de tester l'effet de l'espacement des douches, vu qu'on n'était plus trop obligé de sortir voir d'autres humains. Ce serait un aspect de la recherche intéressant à développer. On va faire un appel à témoins. Voilà, mais donc ça, c'était pour Jamais Seul. Et juste pour continuer sur les questions des auditeurs par rapport à ça, il y a une auditrice qui demande, enfin qui cite la page 169 du livre en disant « On voit émerger la possibilité de cultiver notre microbiote comme un jardin, on y sème des graines, des espèces souhaitées. » Et elle voulait qu'on te demande « Qu'est-ce que tu avais planté dans ton jardin, dans ton microbiote ces temps-ci ?» Voilà. Alors, vous remarquez que là, c'est un moment où il y a une métaphore. Hein. Mais finalement, inoculer des spores sur un fromage ou des bactéries dans un yaourt, c'est comme semer des graines dans un jardin. Donc là, il y a vraiment une action qui est la même. Et en utilisant cette métaphore, on est vraiment dans essayer de détendre le sens de geste que tout le monde sait faire, ou dont tout le monde connaît le sens, dans des domaines qui sont peut-être moins ressenti et où justement voilà, donc, mais on n'est pas, on ne trahit pas tellement l'idée qui est derrière. Alors qu'est-ce que j'ai semé, moi? J'ai toujours mangé beaucoup de yaourt. Tu nous as proposé du maroilles tout à l'heure. Oui, que je mange avec la croûte. Tu as semé le doute dans nos esprits par rapport aux métaphores de l'intelligence des plantes, et ça c'est quand même très je sais pas si c'est une bonne graine ou une mauvaise graine. Non, je pense que c'est une bonne graine. Bah, plus sérieusement, l'idée, c'est de ne pas être dégoûté par toutes les fermentations qu'il y a dans l'alimentation. Moi, je crois que le moment qui était un virage pour moi, c'est quand la première fois que j'ai goûté du poisson fermenté au Japon. Alors, poisson fermenté, tout le monde se dit que ça doit être l'horreur. Hein. Eh bien non, en fait, souvent l'ammoniac est parti déjà, qui est volatile, donc il n'y a pas de note ammoniaquée, et ça a un goût de fromage. Parce que c'est des protéines et des lipides fermentés. Comme il fermente beaucoup de choses. Le soja, c'est fermenté. Ouais. Le tofu, il le fermente aussi. Oui, oui, il fermente beaucoup de choses. Cela dit, on en fermente pas mal. Hein. Pensez aux anchois, pensez aux... Alors, pour le coup, le nyokoman, oui. On a maintenant qui est du jus de poisson fermenté, bah, il avait été inventé en Europe. Hein. Ça s'appelait... le garum, qui était un jus de poisson fermenté, très salé, qui servait de condiment. Et d'ailleurs, il reste des garums. Hein, la pissaladière de Nice, la vraie, ouais, maintenant c'est remplacé par de la purée d'anchois. Bon, mais l'anchois, c'est quand même du poisson fermenté. Mais la pissaladière, qui est vraiment un jus salé de poisson fermenté, c'était une spécialité, une sorte de vestige du garum. Et il y a encore la colatura de certains ports de la côte méditerranéenne italienne, hein, qui sont des restes de cette tradition antique. Bon, le chocolat, le beurre, oui, le beurre, c'est fermenté. Hein. Moi, je ne savais pas quand j'ai écrit Jamais Seul, je l'ai appris plus tard, du coup, je n'en parle pas dans Jamais Seul, mais la différence entre le beurre et la crème fraîche, c'est que c'est fermenté. Et les petits goûts de noisette qu'il y a dans le beurre, bah, c'est les bactéries lactiques qui font ça, et c'est un goût qu'on retrouve aussi dans des vins qui ont fait leur fermentation malolactique. Hein. Quand vous avez des vins blancs qui ont une petite note, notamment des chardonnays qui ont une petite note de noisette, ben, c'est aussi du diacétyl, c'est le même que celui qui fait le goût du beurre. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre dans les aliments fermentés dont on ignore qu'ils le sont? La crème fraîche épaisse, hein. Si elle est épaisse, c'est qu'elle est aussi un peu fermentée. Ce dont on le sait, si on parle du vin, ça fait le lien aussi avec les tanins et ton deuxième livre, hein, du coup. Il y a beaucoup de thés qui sont fermentés aussi. Bon, oui, alors, et puis alors, bah oui, il y a eu un autre livre après. Ces livres, je ne sais pas s'ils illustrent le savoir-faire qu'on attend des scientifiques, d'ailleurs, en termes de vulgarisation, parce qu'ils sont quand même un peu épais. Alors, ça, c'est, pour l'avoir lu, effectivement, il est long, donc c'est digne d'un roman, quoi, il faut se mettre dedans, mais il est quand même très bien expliqué, et donc c'est un ouvrage sur les défenses végétales via les tanins, qui sont Bah, je te laisse expliquer. Oui, bah, qui sont des molécules extrêmement présentes dans la plante, hein, qui font sa couleur, la couleur des fleurs, la couleur des fruits, qui font l'âpreté et l'amertume de beaucoup de plantes en bouche, hein, mais qui font aussi tout un tas d'autres fonctions de résistance au stress, et puis qui s'assemblent pour faire une molécule dure, comme le bois de la table sur laquelle je suis, qu'on appelle la lignine. Et bon an, mal an, tout ça, c'est 30% de la biomasse qui nous entoure. 30% de la biomasse qui nous entoure, c'est des tanins au sens large que j'utilise, parce que je n'ai pas fait dans la dentelle. Alors, il y a des biochimistes qui me disent « Oui, mais quand même, il y a des tanins qui ne sont pas des tanins. » Bon, pour moi, c'est des molécules phénoliques. Et ces molécules phénoliques sont une chose qu'on retrouve chez les plantes, où c'est vraiment le couteau suisse des plantes. Ça sert à tout. Ça sert à tout, et ça explique plein de trucs marrants. Alors, des trucs marrants comme pourquoi les huîtres ont les branchies un peu bleues, pourquoi les algues brunes sont brunes. Mais des trucs marrants qui sont déjà plus écologiquement importants. Pourquoi les feuilles changent de couleur en automne? Pourquoi le sol est noir? Et en fait, ces tanins, quand ils tombent dans le sol après, ben c'est eux qui organisent la vie du sol. Donc la vie du sol, est-ce que la matière organique se recycle pas? Est-ce que le sol est fertile ou pas? Et je rappelle qu'un sol pas fertile, c'est un sol où on va élever des animaux parce qu'on ne peut pas faire d'agriculture. C'est les sols qui donnent une viande écologiquement vertueuse. C'est aussi important que ça. Les sols à tanins, c'est des sols où les plantes poussent mal parce que la matière organique ne se recycle pas. Les microbes n'aiment pas trop les tanins, donc ils ne sont pas là pour bosser. Et là, bah, on ne va pas avoir une grande production parce que ça pousse lentement. Bah là, il faut lâcher un mouton et bouffer ses petits de temps à autre. Ce n'est pas de la viande nourrie avec des tourteaux de soja qui viennent d'Amérique. Et donc, quand on a compris qu'il y a des sols à tanins et que c'est des sols qui fonctionnent lentement et qui ne peuvent pas appeler de l'agriculture, la meilleure chose à faire dessus, c'est de la viande. C'est la viande écologique qui pourvoit à nos besoins de 10 à 20 kilos par personne et par an, besoin physiologique, hein, parce qu'on est omnivore. On peut très bien aussi manger que des plantes et avoir des compléments alimentaires. Hein. Les végétaliens survivent très bien, c'est un choix personnel. Mais on peut très bien faire, sans être écologiquement toxique, le choix personnel de manger de la viande, parce que les tanins structurent des écosystèmes où la production de viande est la seule chose qu'on puisse faire sans les abîmer. Et puis ces tanins, ils ont été récupérés par l'homme. Alors bien sûr, on fait des tables en bois, d'accord, mais en fait, c'est toutes nos épices. C'est toutes nos boissons, le thé, le maté, le rooibos, mais aussi la bière, le vin, où on a des tanins qui sont un peu astringents, un petit peu amers. Et en fait, bon, sans dévoiler tout le livre, on peut se demander pourquoi ces molécules qui sont toxiques pour les animaux, nous on en met activement dans nos aliments, et en fait, la solution est double. 1. L'une des fonctions de ces trucs-là, c'est d'être antioxydant. Donc, à l'époque, on n'avait pas de frigo, ça évitait que la nourriture se corrompe. Leur deuxième rôle, c'est bah, les microbes n'aiment pas tellement parce que c'est un peu toxique. Alors on en met des doses, notamment en surface, qui sont toxiques pour les microbes, mais nous, ça va, et ça permet de conserver les aliments. Empêcher les molécules de s'oxyder et les microbes d'arriver, à l'époque où il n'y avait pas de frigo et de livraison tous les jours de produits frais, et bah, c'était la façon de manger sain ou de boire non contaminé par des tas de bactéries bizarres, d'où les boissons chauffées à tanins, comme le thé, ou les boissons fermentées à tanins, que vous connaissez bien, et que nous avions l'habitude de consommer ensemble à l'époque où nous n'étions pas confinés, chacun derrière notre micro. Et dans les deux précédents opus, si c'est un peu gluant, s'il y a des enchaînements bizarres vers la fin, eh ben c'est à cause des tanins et de l'alcool qui les accompagnait, en fait. Ouais, on va essayer de faire la prochaine émission avec beaucoup de tanins. Et du coup, le point commun entre ces deux livres, c'est un peu que de mettre l'accent sur des choses qui sont là tout autour de nous, mais auxquelles on ne fait pas vraiment attention. Et je ne sais pas si tu as d'autres projets un peu de Stacabila. Si, je ne sais pas si c'est un secret ou pas, mais si tu as d'autres projets de vulgarisation en cours, c'est le moment de faire de la promo. Bah non, bah quand on a des trucs à vendre, faut pas en faire des secrets. Au contraire, faut faire de la pub. Alors oui, effectivement, l'idée, c'est de faire des livres qui montrent à quel point des choses qu'on n'a pas forcément vues sont structurantes de plein de choses dans la vie quotidienne. Et alors le prochain livre n'est pas une découverte radicale. C'est-à-dire quand le livre sur les tanins est arrivé sur la table de mon éditeur, il a un peu fait la gueule. Bon, après, ils s'y sont mis, hein. Actes Sud, c'est vraiment un éditeur génial pour ça. C'est vraiment une boîte géniale. Mais quand ils ont vu le bouquin sur les tanins, ils se sont dit, mais c'est quoi ça? Bon, en fait, quand on a lu le livre, on se dit, ah oui, tiens, merde, c'est vrai, c'est tout ça. 30% de la biomasse. Bon. Donc l'idée, c'est de réveiller le quotidien en montrant qu'il y a des choses qui le structurent et que finalement, plein de choses qui nous entourent sont en fait l'expression de la même règle ou de la même loi. Le prochain livre, il est d'ailleurs, grâce au confinement, il est bien avancé, il est presque fini, c'est sur les sols. Ah. Pierre est content, on va parler de bestioles. Alors, il y a pas des nécessairement, sols, mais... pas nécessairement. Les sols, c'est ce qui fait l'atmosphère, c'est ce qui fait l'effet de serre, c'est ce qui fait la fertilité des océans, c'est ce qui fait les réserves en eau. Et oui, c'est tout ça. Et en fait, les sols, je trouve qu'il leur manque encore une espèce d'éloge, voilà, un espèce d'éloge des sols pour dire tout ce qu'ils font au-delà même de faire de la bouffe. Est-ce que tu vas faire un titre comme l'intelligence des sols ou non, la ruse des sols. Non, j'ai choisi d'appeler ça l'origine du monde, parce que c'est l'origine du monde. Pas mal. Pas mal, oui, effectivement. Et donc, c'est prévu pour quand, ça? Alors, je ne sais pas si sur la couverture, on mettra l'origine du monde de Courbet, d'ailleurs, je ne sais pas. Ah, ce serait intéressant. Ce serait intéressant, oui. Mais bon, légèrement décalé par rapport au sujet. Peut-être que ça fera vendre, hein, remarquez. Peut-être. C'est à creuser. Faut que j'en parle à Arnaud Raphaëlian. Oui, bah d'ailleurs, tu parlais d'Arnaud Raphaëlian. On est peut-être allé un petit peu vite en besogne et notamment, j'ai pas pu te poser des questions par rapport au magazine Espèce. Tu as commencé à nous le présenter, le fait que c'était la journaliste Cécile Breton qui l'avait créé. Maintenant, on en est donc au 36e numéro. Comment tu as été embarqué dans cette aventure? Comment ça s'est fait, en fait, cette association avec ce magazine? Alors, en fait, c'est hyper informel. C'est un truc qui n'a pas été tellement pensé. Hein. Elle est partie là-dedans, je crois, de mémoire, parce que moi, je n'y étais pas au début avec quelques amis. Puis, ses amis ont dit à des amis, « Oh, tu devrais venir nous aider pour relire des articles, écrire un truc. » Puis, quand tu découvres le journal, tu te dis, oh, « Mais c'est génial, ça, comme vulgarisation. » Déjà, tu le lis. Si t'es un peu curieux, comme scientifique là, hein. Et puis tu rentres dedans et je sais plus comment je me suis fait avoir, mais je veux dire, moi je me souviens très bien que je suis rentré là-dedans, je sais plus les détails, mais je dois rentrer là-dedans après avoir lu deux numéros, et pour moi c'était une évidence que c'était le genre d'endroit où il fallait aller. Donc, pour faire de la vulgarisation, voilà. Et donc, derrière le bureau éditorial, hein, c'est une bande de copains. La dernière grande réunion éditoriale qu'on a fait, on a des photos, nous, un peu à poil sur la plage, en train de... Bah, on s'est baigné, on n'avait pas trop de quoi, voilà. Parce que donc, ça se passe en Corse, en gros. Ça se passe en Corse, mais on va reculer. Et quelque part, c'est un groupe de gens qui ne se prennent pas la tête. Et je pense que ça se ressent aussi dans les articles. Et justement, l'apport d'Arnaud, c'est d'avoir une distanciation avec le sérieux, finalement, de l'objet. Le but, c'est pas de se prendre la tête. C'est juste de raconter des chouettes histoires en tirant des leçons un peu plus générales. C'est un peu la philosophie de Podcast Science. On parle de sujets sérieux, mais sans trop, ouais, se faire mal aux cheveux. Alors, pour notre part, en fait, Podcast Science a été associé avec Espèce parce que moi, j'ai connu justement Cécile Breton lors du lancement de la revue, et notamment parce qu'elle voulait proposer que le contenu illustré figure dans un des projets satellites du Café des Sciences qui s'appelait Strip Science, et qui était une sorte de communauté d'illustrateurs qui travaillaient pour des scientifiques ou travaillaient pour des vulgarisateurs scientifiques, oui, dans lequel il y avait justement Arnaud Raphaëlian. Et il s'avère que Arnaud Raphaëlian a participé pour montrer que c'est un petit monde, il a participé à des émissions radio dessinées de Podcast Science. Donc, petit monde, oui, de la vulgarisation. Oui, à une époque, il y avait plein de dessins qui tombaient en avalanche pendant qu'on parlait. Mm-hmm. Alors. Eh bien, maintenant, c'est un tout petit peu plus compliqué à mettre en place, mais on l'a surtout confiné dans des émissions qu'on appelle les émissions radio-dessinées. Et justement, Arnaud Raphaëlian en a fait partie. Donc, j'ai partagé là dans la chatroom les contributions qu'avait fait Arnaud. D'accord. Et d'autres illustrateurs. Il y a Bruno Corbara, sa femme participe aussi de temps en temps aux illustrations qu'on peut trouver dedans. Il y a aussi Mazan, qui participe aussi assez régulièrement dans ces illustrations-là et qui sont assez incroyables. Et puis du côté des auteurs, moi j'ai reconnu quand même Richard Monvoisin ou encore Guillaume Lecointre qui participent, qui font un peu partie de ce réseau de vulgarisateurs qui sont pas si loin en fait que de Podcast Science, du Café des Sciences, etc. Donc cette revue est vraiment très bonne. Ouais. On a aussi des gens qui sont plus du domaine de l'enseignement. Christine d'Abonneville fait beaucoup d'articles sur les plantes, pour le coup. Ils ont des articles vraiment très très documentés avec qui partent toujours d'une base d'articles qui viennent de sortir. Et comme elle est enseignante de bio, bon ben elle les voit vraiment dans leur contribution à une vision d'ensemble. Voilà. Et oui, ben, Guillaume Lecointre en fait fait partie du comité de lecture, là, du bureau éditorial. D'accord. Puisque les articles sont toujours revus par des scientifiques. Donc il y a une sorte de... C'est pas un comité de lecture au sens où on jette, mais il y a toujours un comité de lecture qui fait des commentaires et propose des améliorations, ou ce qu'il pense être sincèrement être des améliorations. Peut-être que les auteurs ne le voient pas comme ça, mais... Très bien. Oui, donc c'est un abonnement à offrir pour Noël. On a un peu discuté hier. Tu me disais aussi que tu faisais partie de la commission de programme du secondaire, donc que tu étais impliqué aussi dans l'enseignement classique, dans les programmes de l'éducation nationale. Qu'est-ce que tu as comme activité de ce point de vue-là, et notamment sur la vulgarisation, sur l'importance des sols, du microbiote, des plantes. Est-ce que c'est aussi un parti pris de défendre ces aspects-là dans les écoles et dans les programmes ? Alors, uniquement pour autant qu'ils sont pertinents pour la formation de citoyens ordinaires. Le but ici n'est pas de faire de la science pour la science, mais de donner des clés de compréhension du monde ordinaire. Alors moi, j'ai toujours... C'était le troisième point que je disais tout à l'heure. Hein, il faut que les citoyens soient au rendez-vous aussi. Parce qu'il faut, c'est bien d'avoir des journalistes, c'est bien d'avoir des scientifiques qui livrent de l'information, mais il faut qu'il y ait une demande et une capacité à lire. Et ça, je pense que la formation initiale est une des choses qui peut y contribuer. Donc, moi, je me suis toujours un peu occupé des programmes, toujours essayé de rentrer dans les commissions de programmes, bon, voilà. Et donc, j'ai été dans la commission de programme pour le lycée. Alors, il y a un gros scandale pour le lycée, hein, c'est que la réforme, pour des raisons largement financières, mais aussi d'ignorance des enjeux, a contribué à mettre la biologie en option, en première et en terminale. C'est plus dans le tronc commun. Donc, c'est fait. À une époque où on vit dans une crise environnementale et où la santé et l'alimentation sont devenues des choses tellement complexes à gérer bien, mais gérables si on a des bases, eh ben on l'a supprimé, ça y est, ça c'est fait. Donc moi j'ai fait partie des gens qui se sont battus pour le maintenir, et puis après ben, il a fallu faire les programmes soit pour l'option, soit en seconde pour le tronc commun, et donc j'ai fait partie de ceux qui s'y sont collés. En seconde, on a essayé notamment d'avoir une réflexion qui mène un petit peu de l'assiette jusqu'à l'agriculture, c'est-à-dire les sols, mais aussi l'agriculteur et les méthodes de production. Et se dit avec une heure et demie par semaine, c'est autant cracher dans la cuvette des chiottes, je veux dire, c'est pas audible, et c'est pas à la hauteur des enjeux. Je rappelle que, par exemple, Histoire-Géo, qui est une autre discipline qui, de façon tout à fait symétrique et nécessaire à la jeunesse, a le double d'heures. Et elle ne disparaît pas en première et en terminale. Mais on retourne dans cette maladie de tout à l'heure, où les sciences humaines paraissent nécessaires, et les sciences... entre guillemets dur, même si on peut ne pas aimer ce mot, paraissent durement faisables et donc disparaissent des programmes. Ouais, le fond du problème, c'est que la science n'est plus considérée comme de la culture générale, ouais. De base. C'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe quand même quand on dit ça, parce que c'est vrai qu'au sens où les parents, ils veulent toujours que leur gamin y fasse S. C'est des formations qui sont considérées comme plus prestigieuses, qui ont plus de débouchés, où les salaires sont plus hauts. Donc je comprends effectivement ce côté de la culture, effectivement, mais il y a aussi un paradoxe qui est quand même que dans l'enseignement, c'est quand même plus... les disciplines scientifiques sont considérées souvent comme plus importantes si on veut réussir sa scolarité. Johan, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu regardes les choix d'options, en gros, les gens ils prennent sciences économiques et sociales parce qu'ils veulent être DRH ou trader. J'exagère sur ces deux métiers, mais aujourd'hui, la demande, elle est là. Hein. Et la République commence à manquer d'ingénieurs. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est alarmant en termes... Et quelque part, le truc, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, il y a quelque chose qui... Il n'y a pas vraiment de demande pour ça. Et il y a un biais socio-culturel, je pense, à penser que c'est des filières qui sont demandées. Il y a des milieux, effectivement, qui veulent que leur gamin fasse S ou ce qu'il y a maintenant en sciences. Mais d'une part, c'est plutôt physique et maths que bio, paradoxalement, alors que ça... Et l'autre chose, c'est que pour le coup, l'essentiel de la population veut des sciences économiques et sociales. Bah, en espérant que les prochaines initiatives de vulgarisation changeront un peu la donne sur l'intérêt des gens. Ouais, j'espère. Mais c'est un combat qu'il faut mener, parce que c'est un combat pour l'avenir. On ne va pas résoudre les crises environnementales si on n'a pas plus de clés pour comprendre dans quel monde on est, techniquement aussi. Tout à fait. Et peut-être que ça relève de complètement de choix politiques aussi. Peut-être que avec cette fameuse vague verte dont on parle dans les médias, il y aura aussi plus d'encouragement au fait de transmettre des connaissances concrètes sur le fonctionnement des écosystèmes, sur la place des plantes, des microbes. Oui, la vague est verte, mais les digues qui entourent le système sont quand même assez élevées. Il n'y avait qu'à traîner à l'Élysée ces derniers jours pour s'en convaincre. Oui, mais restons optimistes. Oui, non, mais d'accord, mais continuons à nous battre. Et Léa, tu as raison, la chose importante, c'est de continuer à se battre. À faire de la vulgarisation, à faire des podcasts, à faire des programmes, à aussi former des profs. Hein. C'est une de mes activités en tant qu'enseignant. Moi, mes heures, c'est surtout des gens qui vont être profs, qui vont passer le CAPES ou la grègue, qui vont être profs de bio. Bon, mais je pense que là, on arrive un peu à la fin de la discussion. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marc-André, Pierre, Johan. Non, j'ai déjà parlé tout plein, mais je voulais vous remercier de cet accueil, ce troisième accueil. Bah oui, c'est toujours un plaisir. Et alors, avant d'arrêter de t'embêter, est-ce que tu as ramené une citation ? Ah, mais vous m'embêtez pas du tout. Alors non, j'avais pas ramené de citation, mais comme tu m'as mis sous pression au début, je me trouvais mieux. Pour le coup, qui est une citation... alors j'espère que c'est pas celle que j'avais déjà donnée les autres fois, que j'aime beaucoup, parce qu'elle nous dit que finalement, la science, c'est le contraire de l'opinion. Enfin, voilà ce qu'elle nous dit exactement. Elle est de Gaston Bachelard, un philosophe des sciences français. Accéder à la science, c'est rajeunir spirituellement, c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. Alors, on peut discuter dans le détail. Quand on a discuté avant l'émission, tout le monde n'était pas tout d'accord avec tout, mais il y a quand même cette idée qu'effectivement, la science, c'est fait pour voir autre chose que ce qu'on a vu avant. C'était Irène qui avait réagi, qui malheureusement n'a pas pu rester jusqu'à la fin de l'émission, oui. Et qui disait que l'idée de mutation brusque ne correspondait pas nécessairement à ce qu'elle envisageait pour de la science. Je sais pas si c'est vrai que quand on prend un peu vite une décision sur la chloroquine, par exemple, ça aide pas beaucoup. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, il vaut mieux réfléchir plutôt que de gueuler. C'est marrant parce que peu importe le sujet par lequel on commence, on finit toujours par reparler de la crise du Covid. C'est fantastique. C'est assez central quand même. N'en parlerons pas. Oui. Voilà, je pense qu'on va clore cette émission. Alors avant de nous quitter, nous avions un quiz en cours, parce que régulièrement Podcast Science propose des questions de réflexion aux auditeurs. Le quiz du moment, c'est « La vitamine C empêche de dormir, info ou intox ?» Alors qu'en penses-tu, Marc-André ? J'ai pas lu de travaux là-dessus. Je pense que c'est un excitant, mais et vous, alors, vous en pensez quoi? C'est la question ouverte aux auditeurs. Alors, comme on n'a pas fait d'émission roue libre avant la fin de la saison, la réponse sera reportée à la rentrée 2020. C'est insoutenable. De la saison 1. Le suspense est vraiment insoutenable. On espère que vous pourrez pendant cet été prendre le temps de réfléchir à la question et de nous envoyer vos hypothèses et vos réponses, chers poditeurs et poditrices. Vous pouvez nous envoyer vos réponses sur podcastscience@gmail.com, notre adresse mail, et sur les réseaux sociaux. Donc toi, Marc-André, tu es plutôt la vitamine C est un excitant, donc ça empêche de dormir, c'est ça ? Ouais, mais je vais peut-être me couvrir de ridicule. J'aimerais pouvoir dire, il y a une option, je sais pas. Il y a une option, je sais pas. Vous pouvez répéter la question. La réponse D. Nous l'enregistrons et donc réponse l'année prochaine, enfin la saison prochaine de Podcast Science. Voilà, donc ainsi s'achève notre émission en compagnie de Marc-André Sellos. Merci encore. Merci, au contraire, de l'invitation. Ah bah de rien. On espère que vous êtes tous convaincus désormais que ce n'est pas parce que les plantes ne font pas les choses comme nous qu'elles sont moins intéressantes. C'est le dernier épisode de la saison 10, comme nous vous l'avons dit. Nous nous retrouverons donc en septembre, tout frais, tout beau, tout reposé après les vacances. Et nous amorcerons à cette occasion la saison 11. Décidément, on est vraiment un vieux podcast. On prend les mêmes personnes et on recommence. Mais si toi, poditeur ou poditrice, tu veux contribuer à Podcast Science d'une façon ou d'une autre, écris-nous cet été, envoie-nous des signaux de fumée, manifeste-toi par email ou sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous envoyer vos états d'âme, vos coups de cœur et vos coups de gueule de la saison. Et on se retrouve en septembre, en attendant que servir la science soit votre joie. Thank you.